Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon! patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, chers amis. Oh, on très on est un petit peu zoomé. Je vais t'arranger ça tout de suite. Ah ben, ça marche quand même, mais... C'est un petit peu trop. Des fois, là, il y a des choses qui se passent dans ce podcast-là qu'on ne le sait pas trop. Là. Oui, hein? Dégage-nous des zooms direct, là. Et voilà, ça c'est correct. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait, parfait, ça. C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, Fred, oui. Bon Fred. Donc là, on est rendu à l'épisode 168, hein? Non, 167. 167? Ouais. T'es sûr? Ben, il me semble. OK. OK, alors on va faire on est préparé, c'est nice. Ah ouais, hein? On va aller voir sur mon Spotify. Là. Ah, il n'y a pas de numéro 6 chez le Canadien. Ah non, c'est pas vrai. Il y en a 23. Ah, on commence ça vraiment tout croche. C'est 167 aujourd'hui. 167. OK, alors. Oui. Un pour Claude Evans qui a goalé pour le Canadien de Montréal en 1955. Beaucoup de goalers qui ont le numéro 1. Hein? Oui, c'est pas mal sûrement tous des goalers. Oui. Le numéro 6, on y va avec Odie Cleghorn. Odie Oglethorpe. On se rappelle de Monsieur Cleghorn qui a joué pour le Canadien de 1919 à 1925. Ouais, on s'en rappelle tous. Il est peut-être arrêté pour aller à la guerre. Et 7, on y va avec... Odie Cleghorn. D'accord. Ben oui, il a changé de numéro en 1920. Un doublé d'Odie. C'est bien drôle, ça. Ogie. Un doublé de Odie Cleghorn. C'est Odie ou Ogie? Odie. Ah, Odie Cleghorn. Non, mais c'est... Je sais pas comment ils disent en anglais. Là. Alors, c'était vraiment l'épisode Cleghorn aujourd'hui. Le spécial Cleghorn. Bon, ben. Une heure sur lui. Une heure sur lui. C'est et c'est le dernier show de l'année. Oui. On va parler que de Odie Cleghorn. Fait que, ça va, Jean-François? Oui, toi. Ben oui, ça va bien. Et ça va tout le temps super bien lorsqu'on a des beaux cadeaux. Ben oui. Il y a quelqu'un qui est passé en personne chez Retro MTL. Ah ouais? Et puis, il nous a emmené des surprises. Alors, je vais sortir ça. On est tellement gâtés par vous, les auditeurs. Ah ben oui, c'est vraiment tellement gentil. C'est... Un petit peu mieux ça, je pense. Alors, on sort le gréement. C'est une commandite éphémère. On a même un sac cadeau, c'est assez rare, ça. De M. Simon Lévesque. Oui, on commence par la carte. Je pense que c'est lui dans le chat aussi. Hein, qui... D'ailleurs, c'est écrit... Tortoc le barbare. Il me semble que oui, il est écrit dans, le chat, dans la ah ouais? carte. Il nous a écrit une carte. Hey, du papier, des cadeaux. C'est... Écrit à la main. Pas au crayon GPT, mine. Là. Ça, là. Non, oui. Au crayon à la crayon mine. Crayon mine, là, ça a été aiguisé dans un aiguisoir. Tout, là. Ah, je pense que c'est un stylo, par contre. Là. Mais, ça ressemble à du crayon. C'est bon quand même. Ah, il ne voit pas ça à l'écran. Exact. C'est écrit sur l'emballage ici. Ah, ben, on va lire la lettre. Salut Dom et JF. Ça fait une couple d'années que j'écoute vos podcasts, puis j'aime bien ça, ce que vous faites. Ben, merci. On se connaît pas, mais à chaque semaine, vos shows me donnent l'étrange impression de jaser avec des vieux chums. Donc, pour vous remercier, voilà une petite bière que vous pourrez partager. J'ai eu la chance d'en boire 2-3 de cette sorte-là cet été, puis elle est bonne en tabarnak. PS, puis d'habitude, la bière aux fruits, j'aime pas ça, donc c'est une bière aux fruits, vous allez voir. En toute amitié, Simon Lévesque. Apparaît parfois sous le pseudo de Tortoc le barbare. Ben, il est là. Alors, on va bien le saluer dans le chat. Il est là, là. Ben, oui, il est là. Si je pointe comme le bas. Alors, mesdames et messieurs, t'es peut-être. Ah, ben, tu veux-tu allumer la cam? T'es-tu capable de. Oui, je m'en allumer la cam de collection? Je vais prendre celle qui est moins zoomée, celle-là ici. Alors. Ah ouais, avec la lettre en background. Pour montrer que c'est vrai. Ça fait beau. Avec un coin de Doritos comme ça. C'est les vraies affaires. Et puis, c'est une magnifique petite framboise. Ooh. B-O-E-S-E de Oval, mesdames et messieurs. Framboise. Une bière aux fruits à 5,4% d'alcool. Bien. Bière de blé légèrement fruitée avec notre récolte de framboise 2024. Prise de mousse naturelle avec notre miel. Alors... Prise de mousse naturelle, OK. C'est bien ça qui est écrit. Prise de mousse. Alors, okay. Je sais pas s'il y a de la mousse là-dedans. Il y a de la mousse de miel qui a été prise. Exact. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont pas dans la bière et qui sont pas familiers avec les microbrasseries, oui, tant que ça, la microbrasserie Oval est dans le fond de la Gaspésie et ils n'exportent pas. Alors, si tu s'en veux, ben des fois, ils en envoient des batchs ici et là, un peu partout au Québec pour faire plaisir à certaines places. Mais la Oval est comme légendaire, là, tu sais. C'est comme la microbrasserie légendaire. Ouais. C'est comme de l'or, ça, là, tu sais. Puis quand il y en quand a, prends, quand tu te garoches dessus. Puis quand il y en a à ton dépanneur de bière, tu sais, c'est maximum une ou deux par personne, tu sais. Trop de demande. Ils veulent, eux autres, c'est ça qu'ils veulent. Ils pourraient expand puis avoir une usine puis distribuer partout au Québec, mais ils veulent pas. Ils veulent rester peinard et faire des bons et excellents produits. C'est bien, ça. Oui, très niché et très, très, très local. Dans le chat, il y a Bacon or Die qui dit la Oval, la bière mythique de la Gaspésie, voilà. Exactement. Alors, ça vient de loin, cette petite framboise-là, et puis j'imagine que Tortoc est allé chercher ça en main propre, ben direct sur place, puis il y en a gardé une pour nous autres. Il doit avoir passé l'été en Gaspésie. Alors, Jeff, je t'annonce qu'on va amener ça au WEG, et puis on va partager ça là-bas. Bon, après avoir pris nos électrolytes BI, là. De prendre nos notre eau... ça, c'est nos fruits. Notre eau hydratée. Notre eau hydratée, comme on nous a dit sur Discord. Je t'avais entendu le dire live, j'ai pas repris, là, mais je trouvais ça très drôle, là, de l'eau hydratée. Là. Exact. Fait qu'on va prendre ça, puis de l'eau hydratée, oui, ça oui, va et être des, parfait. Beaucoup de potassium aussi. Alors, voilà, on peut revenir sur nous. Alors, Simon, ben écoute, c'est très gentil. C'est très, très, très gentil, très apprécié. Et merci beaucoup de suivre le show depuis toutes ces années. Ben oui. C'est vraiment très généreux de ta part. Très cool. On a tout ce qu'il faut pour être heureux. On va se boire ça au WEG. Ou quelque chose. Là. On se prendra un projet puis on ouvrira ça. Oui, hein, ça, c'est une bonne petite bière d'après-midi. Là, Pour ça, starter. Là. Ouais, c'est ça. Pour ça, starter à une heure là, après le spa. Après, aller se laver le bat dans le spa. Alors, le bat dans l'évier. Là, puis le reste dans le spa. Pour suivre la tradition. Se laver la graine dans le sink. Ah, pour ceux qui savent pas, se laver la graine dans le sink, c'est un peu un running gag. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas dit. Alors voilà. Donc, merci beaucoup. Bacon, hey, c'est cool, ça. On va le mettre à l'écran. Aussi. Il y a plein de dorites à l'écran en plus. Là. Ben oui, Jean-Michel Panic 9. Olivier 888 qui est là. Olivier 888. Et puis, Simon High qui est là aussi, qui est arrivé au début du show. Et oui. Avant que le show commence, il a pu écouter un Pierre à feu un peu. Ouais, il y a un épisode spécial Pierre à feu de pre-show aujourd'hui. Ah ouais, c'était très bon. On a vu l'Arturo Copter et puis Monsieur Gaudroche. Monsieur Gaudroche. c'est le bébé de qui? Combien? Quel pourcentage je vote pour ça? Les jointure dans ta mâchoire, puis zoing! De la violence comme on l'aime. Ouais, pour le mercredi aujourd'hui, parce que spécialement, il a fallu que je vienne travailler aujourd'hui au bureau, parce que demain, je vais être à la grande dégustation SAQ VIP avec mon père et mon frère. Comme à chaque année, boire sur le bras de mon père. Aye. Des vins trop chers. Des pères, faut que ça serve à ça aussi. Faut bien que ça serve à un père qui achète beaucoup trop de caisses de vin par année. Là. Il reçoit probablement quelqu'un doit y porter un billet VIP chez eux direct. Monsieur Cronk. Quelqu'un s'agenouille avec un petit boîtier, il ouvre ça, puis t'as un billet en or dedans. Exact. Ouais. Payé avec nos taxes. Nos taxes. Allez boire des vins très, très chers que je... Vous verrez pas la différence. Ah ben écoute, moi non plus, je m'y connais pas beaucoup en vin. J'ai amateur, mais je m'y connais pas tant sur eux, genre, les cépages et tout ça. Là, ouais. C'est du vin rouge, c'est bon. Ouais, j'aime le rouge moi aussi, vraiment. Mais il y a une section aussi, tu sais, les spiritueux. Là, fait que genre, tu peux aller goûter de la tech à 300$. Maintenant que tu goûteras jamais à ça ailleurs que là. Là fait que c'est le fun pour ça. Là. Puis là, tu te dis, c'est bon, hein, ben je vais revenir en prendre une autre fois. Puis tu y vas jamais. Non, jamais. Moi, demain, je serai chez Baptiste sur la rue Masson avec des amis pour écouter le match du CH. Et oui. Puis, j'ai un ami qui fait un changement de carrière important. Alors, on va aller discuter de ça autour d'une bonne petite pinte. Ben oui, puis des victoires du Canadien. Là. Puis une belle victoire du Canadien à venir. Sûrement. Quel beau début de saison. C'est très excitant. On va sûrement parler tantôt d'une question du public, j'imagine, ou sinon on le pluggera nous-mêmes. Ben oui. Sinon aussi, je voulais dire aux gens que le YouTuber français Conquerax, C-O-N-K-E-R-A-X, a communiqué avec nous sur Internet. Et puis, il avait vu une de nos publications il y a une semaine ou deux, puis il avait écrit, commenté dessus, puis il avait dit « Hey, faudrait faire de quoi? » Lui? Je lui avais dit « Oui. » Puis là, j'avais dit, OK, ben écris-nous, puis on va faire de quoi. Puis là, jamais fait. Puis là, cette semaine, j'ai fait une publication choc, où est-ce que je montrais trois jeux de NES qui valent cher. Ouais. Et puis là, il a réécrit là-dessus, hey, je vais être à Montréal je vais être au Québec pendant trois semaines, faudrait faire de quoi. Fait que là, j'ai dit, ben écris-moi. Puis il l'a finalement fait. Alors, ah, c'est cool, ça. On a commencé à jaser. Puis lui, ce qu'il veut faire, il veut venir ce week-end. On est quelle date, là? On est le 5. Le 5. Mai. 5 mai. Ouais, on 5 est novembre. 5, c'est 7. Donc, le 8 ou le 9 novembre, samedi ou dimanche, okay. Il veut venir filmer le magasin et tout ça, puis il va sûrement faire un petit épisode. Et puis aussi, il veut rencontrer ses fans là, et tout. Alors, moi, mon rôle, j'ai déjà préparé des visuels puis pour essayer d'attirer le monde ici. Et puis, Giz aussi, du jeu, c'est sérieux. Je ne sais pas si Laurent va être là, mais Giz va être là. Et puis, il veut se joindre aussi à Conquerax. Fait que là, ça va être un get-together de big YouTubers français et québécois chez Retro NTL. C'est écœurant, ça. Fait que ça, c'était écœurant. Alors, vous pourrez faire signer des autographes, là, puis tout ce que vous voulez, là, serrer à la pince, prendre des photos. Puis, je serai là. Je ne sais pas dans quel état, parce que si c'est samedi, moi, vendredi, je vais au lancement du jeu à Eric, Hell is Us. Fait que j'ai ben de l'occupation cette semaine. Mais je vais être là. Je vais être là. Et puis, dès que je sais c'est quand qu'il me confirme, c'est samedi ou dimanche, je vais l'annoncer sur les médias sociaux de Retro MTL. Donc, si vous intéresse de venir le voir, suivez Retro MTL, regardez nos publications et vous saurez quand venir. Surveillez également les horaires de la STM, parce que les barnacles sont en grève. Fait que là, c'est ça, on est en otage et les Uber sont chers. Alors, prévoyez vos déplacements, empruntez la grande catapulte de la rive sud. De la rive sud pour vous faire catapulter directement dans Schlaga, quelque chose. Mais j'aime tellement ça, la grande catapulte. Je pense que c'est un pierre à feu aussi. Ça se peut. Genre, il n'y a pas eu de grand projet à Saint-Granit du genre depuis la grande catapulte qui était supposée catapulter un homme sur la lune. Sur la lune. C'est rien, c'est sûr. Oh là là. Alors, c'est ça. Conquerax sera ici. Moi, je connais pas. J'écoute pas vraiment non plus, j'écoute pas les YouTubers, là. Moi, j'écoute des juste genre GameSack puis Angry Video Game Nerd. Je suis bien old school, là. Wow, mais, ouais. C'est tout. Sinon, j'écoute des séries avec ma blonde, tout, mais c'est, sinon, je game. Ouais. Mais je suis pas en train de dire, vous êtes cave. Tu sais, ben, c'est ça. Dans mon temps limité, j'écoute. Non, mais c'est normal. C'est pas être cave, de pas écouter, là. Puis je peux pas en écouter en travaillant parce que j'aurais pas de me lever. Ouais. Tout, j'ai besoin de concentrer. Fait que je ne connais pas, mais j'ai regardé un peu. Puis c'est super sympathique. Et puis j'espère qu'il va faire un bon topo. Puis il y a beaucoup de Français aussi à Montréal. Et il y a beaucoup de Français aussi qui interagissent dans nos publications. Fait que ça, c'est cool. Toi, il y a Fingercut. Fingercut qui adore Conquerax. Bon, c'est ça. Il m'a l'air très, très, très sympathique. Là. Excellent. Le monde sont forts, c'est Doritos à soir. Jim 999 qui est envoyé plein de Doritos. Ah, excellent. Ben, on va laisser pour le paysage. Ben, tu peux en manger, Jeff. Ah non, c'est bon. Je viens de souper, moi. Ah, c'est ça. On va quand même les laisser ici pour le paysage. J'ai chauffé mon linge dans votre micro-ondes. Lequel? Celui en haut du frigo. Il y en a un autre? Oui, dans la cuisine, en bas. Là, ah, j'ai pas vu. Pas en bas. Mais ici, ah, j'ai pas regardé. Dans un à rôle-comptoir, en dessous du comptoir. J'ai pas marié pendant que je errais dans le local tantôt. Là. Oui, parce que JF, il vient travailler ici en journée. Puis moi, on quitte tout à 5 heures. Mais JF, il reste ici. 5 à 8, là. Seul. De 5 à 8 jusqu'à ce que j'arrive pour commencer le show. Fait que là, il erre dans la place. Ben, je travaille et je erre et je mange. Puis des fois, je me promener un peu. Je regarde les étagères, je dis, ah, des beaux jeux. J'ai un Astérix sur Master System, cool. Oui, c'est quand même cool, ça. Ben oui. On avait un fantôme, paraît-il, à notre ancien local, là, nos employés c'était disaient moi. Ça. Là. Non, mais dans le sous-sol, puis il y avait un nom. Ils ont donné un nom. Mais il n'a pas suivi. Ou il est ici de quelque part, mais c'est tellement. En fait, ici, on a probablement le fantôme d'Alphonse Desjardins, j'ai l'impression, qui se promène. C'est vrai. Ça se peut, là. Qui vient checker ses chercher notre argent. Merci, mon t-shirt de WrestleMania. C'est vrai qu'il est beau. J'aime bien le porter. Ça y va fort dans les Doritos, mon ami. Ouais, c'est merveilleux. Si seulement on devait payer à Dorit. On l'a un peu. On l'a un peu, en effet. Sinon, Jeff, toi, tu voulais nous présenter des photos de famille. Ah non, j'en ai juste une, parce que tu as résolu un mystère familial qui date depuis plusieurs années où je m'ostinais, parce que dans mon souvenir, j'avais une photo en tête de mon père, mon oncle, en train de jouer avec un Atari, deux Atari en fait, avec des manettes dans les mains. Ouais. Puis ma tante me disait, parce que mon oncle est décédé, ma tante elle me disait, ah, on n'a jamais eu ça d'Atari, fait que ça se peut pas. Puis je suis comme, voyons là, impossible. Puis j'ai la télévision, ah, je suis pas sûr que c'est ça, Finalement, on a retrouvé des photos, puis avec la simple manette, tu peux identifier la télévision 2. Fait que Exact. J'en ai une qui présente plusieurs affaires sur la même photo. Donc, celle-là ici, où est-ce qu'on peut me voir dans mon beau saut bleu d'arc-en-ciel. Là. Exact. En train de te mettre les mains direct dans le dans TV. Dans la TV. Puis, il y a une autre photo qu'on voit plus proche de la TV. Puis, c'est une mise au jeu de hockey. Fait que, tu sais, ça date pas, là, moi. Mais ça date, en fait. Ça date. On voit, en fait, là, en haut à gauche, l'Intellivision 2 blanc. Oui, c'est un Intellivision 2. Donc, c'est résolu. C'est bel et bien ça que c'est. Il y a des affaires à résoudre aussi sur cette photo-là, je pense. Tu étais un peu confus sur le bébé dans le cadre en bas, là. Oui, je me disais, c'est qui le petit bébé à la peau noire, j'en pense. C'est moi. Je sais pas si tu vois la peau noire là-dessus. Là. Mais je te trouve pas mal foncé. Ben, j'étais foncé, j'avais les cheveux très foncés aussi. Il y a eu une époque où j'étais plus asiatique aussi, ça. J'ai ramené une photo à un moment donné, là. Puis, je pense que toute l'humanité. J'étais noir, la jaunisse, devenu blanc. C'est toutes les couleurs. Et puis, je vois que tu as un beau téléphone en haut. Ben, j'allais dire, mauvaise place pour le positionner, mais je vois qu'il y a un très long fil à côté. Donc, j'imagine ta mère devait le prendre et aller s'asseoir sur le sofa et s'allumer une cigarette. Pas ma mère, mais c'était chez ma tante. Tu devais prendre s'allumer une cigarette aussi. Là, mais genre... ouais. Et aller s'asseoir sur le sofa avec le téléphone. Mais tu sais, ça, c'est genre 84, 85 peut-être. Là, 1985. Ah, ouais, ça peut pas être bien plus que ça. Vu mon âge aussi là, et ma suce. Là. Mm. Et puis là, ce que je vois ici à gauche dans les jeux et télévision, le premier c'est Pinball. J'essaie de zoomer. Ah oui, essaye de zoomer. T'as pas de meilleure résolution que ça. Hein. Non, mais là c'est une vieille photo. Là, mais... Ok. Fait que Pinball, le deuxième. Mon cul, à côté de mon cul. Ça c'est ton beau cul. En plus, j'ai la pause genre de checker mon cul. Hein? Puis j'aime beaucoup aussi en bas sur le tapis comment est-ce que les fils électriques sont très près du caille. Tu sais, comme ça, si ça chauffe. Tout est genre matière à pogner le feu là-dedans. Là. Exact. Les années 80, mesdames et messieurs. Fait que le premier jeu, c'est Pinball. Le deuxième, c'est de la série Action. On peut pas le savoir parce que le jeu est dans l'autre sens. Troisième, c'est un jeu de E-Magic. On peut pas savoir non plus. Encore un jeu de Action. Ensuite, le jeu, ça me semble très foncé, ça, la pochette. Et pourtant, là, c'est pas moi. On dirait Hover Force. Après ça, t'as Major League Baseball. Ah ouais. Un autre jeu de E-Magic. Là, on dirait... Je suis pas capable de lire... Là, t'as Reverse. L'autre, je sais pas. Après, t'as Reverse C ou Backgammon en mode. Ah, le mauve, ouais. Puis après, t'as Las Vegas, là, les courses de cheval, probablement. Et puis après, il me semble que j'arrive pas à aller. Triple Action, peut-être. Mais tu sais, je veux dire, des courses de chevaux, Las Vegas, Backgammon. Je suis pas surpris de ça, de que ça vienne de ma tante qui m'a donné sa collection de DS l'autre fois. Puis c'est genre. Casino, World Series of Poker, Casino. C'est dans la famille, hein? En fait, déjà, t'étais très proche du gambling. Je me suis loin très longtemps. Je suis avec la roue décroche. Fait que c'est une belle pile de jeux. Ah ouais. Il y a de quoi être fier. Alors, beau cul, beau jeu. Beau cul, beau bébé noir. Beau petit teint noir. Oups. Belle télé, là. Belle télé. Mais c'est quoi l'appareil au-dessus, au centre? L'autre, ça doit être un affaire de câble, je pense. Ah ouais, hein, un genre de Gérald. Genre de cable une box. Faceplate, en stainless steel. Je pourrais. Faudrait demander à mon père, ça, de le savoir. Là, mais... C'est fou raide. Donc, c'était ça. Merci d'avoir résolu le mystère familial. Tout le monde était bien impressionné quand j'ai dit « Dom, vous identifiez les jeux par les boîtiers. » Ouais. Ben, je pourrais faire une meilleure job. Mais là, ouais, ben, si on avait une meilleure résolution, effectivement. Là, mais c'est ben, ça. J'en ai identifié quelques-uns. Alors, donc là, ça me pousse à aller m'acheter une télévision Sprint. J'aurais pas le choix. T'auras pas le choix. Prochaine brosse dans le REM, mon gars. Puis, ouais. C'est une prochaine au WEG. Prochaine paye de retour de TV. Ah oui, dans le WEG, on va te faire du press. T'es obligé de l'acheter. Ça prendra pas grand temps. Là. Ça sera pas beau. Ah, il est beau, gars. C'est fait. Malade. J'aimerais aussi, JF, que tu fasses une mini-recherche sur Atari 500 de Namco Legendary Pack. Atari 50. Atari 50... En même temps, je vais prendre une gorgée d'eau. Legendary Pack? Namco Legendary. Ouais, Legendary Pack. Namco Legendary Pack. The Digital Eclipse? Ah ben sûrement. Alors, la compilation Atari 50 continue de faire plaire. Parce que, ils ont-tu fait un genre de wallpaper que tu peux prendre? C'est merveilleux. Et puis, le jeu Atari 50, la superbe compilation de jeux Atari reçoit un pack, un Legendary Pack de Namco. Alors, là-dedans, il y aura Dig Dug, Pac-Man, Galaga, Galaxian et... on les voit, là. Ah, OK, ils refont le documentaire, genre. Ben, Xevious aussi, en effet. Puis, ce qui se passe avec cette compilation-là, c'est qu'ils continuent à acheter des affaires. Parce qu'au début, il y avait la compilation. Puis après ça, ils ont rajouté le package M-Network. Donc, le paquet des jeux développés par Mattel. Ouais, ouais. Et puis là, ils rajoutent le package Namco. Et qui... Quoi, Chris? Ils vont continuer d'en rajouter tout le temps? Peut-être qu'à un moment donné, ils vont envoyer le package Imagic. Ah, je pense qu'il est dedans même déjà. Qui sait si on est chanceux, peut-être même un jour, le package Activision. Ben oui. Ça serait insane. Alors, c'est un nouveau DLC disponible, okay, mesdames et messieurs. Okay. Ouais. Que si vous avez le jeu, ben vous pouvez vous ajouter tous ces beaux jeux-là de Namco. Là. C'est donc bien beau, tu sais. C'est extraordinaire. Fait que je suis content de voir qu'ils continuent de milker la patente. Et puis, merci Digital Eclipse de rendre nos vies... si hot. Jim, ça m'a l'air pas mal propre, tout ça, effectivement. C'est tout le temps du très beau stock. Ça, là, c'est de la propreté là, au niveau... Là, ramener le respect à ces jeux-là. La gloire. Là. La gloire. Fait que c'est très hot. Alors, surveillez ça, c'est amateur de nostalgie. Alors, ça va déjà en... Collection? En collection. La grosse musique? Ah, c'est la soundtrack de Double Dragon Neon. Ah. C'est tellement, tellement une bonne soundtrack. Et c'est aussi un très bon jeu en passant. Oui. Alors, j'ai une seule pièce à présenter aujourd'hui dans la collection. Et il s'agit, Jim va aimer ça dans le chat, il s'agit d'une belle boîte et livret de Alleyway au Game Boy, mesdames et messieurs. Ceci est arrivé comme par magie chez Retro MTL avec deux autres jeux en boîte, Castlevania Adventure et Turtles Fall of the Foot Clan. Et puis, moi, je n'avais pas ça. Et puis, regarde, tu vois-tu le petit lustré là, sur le Game Boy? Là? C'est comme s'il était scellé. Mais il n'est pas scellé, il a été ouvert, mais la personne qui a ouvert ça à l'origine a gardé le scellant dessus. Ouais, alors, moi, je le laisse. Là, il en reste, et puis je trouve ça beau. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Alleyway est un take sur Arkanoid. C'est Arkanoid. C'est carrément un Brick Breaker. Là. Oui, t'as un légendaire Brick Breaker, jeu d'arcade. Et puis, on peut voir ici sur la pochette un semblant de Mario. Ce que je m'en ai dit. Il me semble que le seul moment qu'on voit Mario dans le jeu, c'est quand il embarque dans la petite plateforme oui. Et sur la pochette là. Exactement. Donc, pour rendre ça Nintendo, c'est Mario qui chauffe le pénis. Mais... C'est plus comme un suppositoire. Là, ça. Oui, c'est un suppositoire, en effet. Et, suppositoire spatial. J'ai un ami aussi qui aimait bien, dans ce jeu-là, dans Arkanoid, quand tu brises des briques, il y a des pilules qui tombent. Ouais, ouais. Des petits pénis, on pourrait dire. Et puis, on va le dire. Ils ont tous des pouvoirs. Et puis, il y en a un qui fait que la balle colle sur la barre, tu sais, au lieu de rebondir. Et mon ami appelait ça le colleux de balleux. Et puis, je me rappelle de ça. C'est resté dans le colleux de balleux. Ouais, tu me l'avais sûrement déjà dit ça. Ça m'a même revenu, ouais. Puis là, man, on joue à Arkanoid, puis Chris... Le colleux de balleux. Le colleux de balleux, c'est la pastille verte. C'est resté dans ma tête. Wow. Donc, voilà. Puis, pourquoi est-ce que Nintendo a décidé, comme je disais, de reprendre Arkanoid pour faire un launch title de Game Boy? Parce que je pense que c'était dans un launch title, parce que c'est très early Game Boy, cela. Je sais pas, c'est une drôle d'idée. Mais c'est un bon petit port. Oui. Et puis, c'est comme Kix aussi, hein? Ils ont fait Kix sur Game Boy. Je savais même pas, ouais. Puis, c'est un jeu d'arcade, early Game Boy, tout. Puis, je sais pas pourquoi. Kix, c'est un très bon jeu. Là. Les coins coupants, en effet... Là, je vais déballer la chose. Donc, j'ai le petit tray, bien sûr, en plastique. J'ai le livret que jamais personne n'a regardé. Il n'y a pas eu d'amour dans ce livret-là. Y a-tu des bonhommes dedans, quelque chose? Y a-tu Mario qui dit genre... Non, il n'y a rien pas en tout. Rien. Même pas de couleur, c'ti. Noir et blanc. Un abonnement au Nintendo Power. Et un petit poster que je vais déployer à l'instant. Ah, magnifique ça. Avec voilà pas mal des launch titles là, de Nintendo, published par Nintendo en tout cas. Donc Mario Land, Baseball, Tennis et puis Arkanoid. Donc, puis t'as même la petite pochette ici là, pour accrocher ben oui. Sur ta petite pochette de transport Game Boy pour accrocher à ta ceinture. Et sachez qu'on en a un en boîte présentement chez Retro MTL. Ça, je l'ai chez nous. Ouais, le battery pack. Il s'accroche à la ceinture. Ah, il s'accroche aussi. Hey, tu peux tout accrocher sur ta ceinture. Je me rappelle d'avoir ça sur la ceinture puis jouer au Game Boy. belle jeunesse. Ouais. Ah, une crise de belle jeunesse. Ben oui. Fait que j'ai payé ça 60$ environ. Ben, je l'ai pas payé. Je me rappelle plus comment je l'ai payé. Mais le prix que j'affiche quand je monte des affaires de collection, c'est le prix que ça vaut ish en checkant à peu près price chart. Là. Fait que ça vaut à peu près ça. Mais puis si t'ajoutes le jeu, ben là, ça monte. Le jeu, il vaut quoi? 10$. Fait que là. Mais tu sais, dans état-là. S'il fallait vendre ça ici, tu sais, je serais pas gêné de vendre ça au moins 90-100$ là, parce que c'est propre, vraiment mint. Fait que voilà, c'est tout, c'est magnifique. Jim dans le chat qui dit ça m'a donné envie d'aller faire l'amour à ma femme de boire ça. Ah ben absolument. Et oui. On est tous aroused. On est aroused par des aussi beaux jeux Game Boy. Des coins qui coupent. Aussi coupants. Ah, y a-tu une imperfection ici? Ah non, ok, sur le scellant, y a un petit bout de papier sur le côté. J'avais pas eu ça. C'est pas une déchirure. Phew. Oh. Fait que, voilà. Un beau alleyway. Puis là, on n'a pas de critique. On n'a rien à ce moment. On n'a rien, c'est tout. On n'a plus rien. Merci. Parce que moi, je joue à Silksong comme sans arrêt. C'est tout ce que je fais. Puis moi, je cherche désespérément un jeu que t'as pas critiqué au Game Boy. Mais je lis aussi mon gros livre Atari que j'avais présenté sur ma page. Je l'avais-tu présenté ici? Je sais pas. Oui, il me semble que oui. Ouais. Mais en tout cas, je l'ai aussi fait une publication sur la page Facebook et Insta de Papa Cassette. Et puis, je le lis, je suis rendu à la moitié. Puis, ça showcase plein de jeux Atari que je connais pour la plupart. Mais il donne des explications. Ça me donne le goût de les tester. Je me rends compte qu'il y en a une couple que je n'ai jamais testé. Fait que là, j'ai ma Analog Pocket, livre. C'est bon, ça. Puis là, comme je les teste vite fait, là, je me disais, crème, GF aussi, maintenant, c'est un Atari Master. Mais oui, on pourrait faire des critiques. On pourrait faire des critiques de petits. Quand on n'a rien, des petits jeux Atari. On oui, se mais le c'est, dit. C'est là, ça que je voulais faire pour Game Boy, justement, là, parce que j'ai une petite affaire, mais ça très occupé aussi là. Ben au prochain show, j'aurais sûrement pas fini Silksong. Ah, tu vas peut-être avoir une. Je t'ai-tu envoyé le code d'un chemin? Non, c'est ça que j'attendais aussi. Je me demandais si j'allais recevoir pour. C'est R-Type, je pense que je vais faire là. Ouais, ou... R-Type Delta, qui va ressortir. C'est un jeu de PS1, ça va être refait et ça va sortir. Et on était supposé recevoir un code. J'ai demandé. Mm-hmm. Et puis on me l'a offert. J'ai dit oui, j'en veux. Puis pas de réponse. Okay. Fait que, coudonc, ils sont pas bien rapides chez Overload. Ben oui. Puis, écoute, de toute façon, on verra bien. Donc, on verra sinon, pour je ferais du Atari. Là. Je vais venir me pogner 2-3 jeux en bas la matinée. Ben, tu peux critiquer ceux-là que tu as achetés déjà. Là, puis tu me diras c'est lesquels. L'autre fois, on avait parlé de Enduro. J'ai joué après. Mais là, si on se sync d'avance, on pourra chacun moins jouer de notre bord. Ça dure 2 minutes. J'avais joué, genre, Sequest, c'est ça? Ouais, Sequest, ouais. Ah, t'en avais parlé ici. Ouais, ça me prendrait un qui est un peu plus long, qui a plus de gameplay peut-être. Là, mais mais il y en a pas bien déjà Atari avec beaucoup de gameplay. Effectivement, mais on peut faire des très petites critiques, là, genre 2 jeux chaque d'Atari, ça se fait. Là. Exact. Et Jim approuve l'idée dans le chat. Là, ben oui, voilà. Ça serait pas pire. Mais oui, il faut le faire, là, c'est sûr. Là. Bon. Et quand je recevrai mon Intellivision Sprint, ben ça sera Ça sera déjà une Intellivision, voilà. Moi, avec, je jouerai à la cour. On va tout faire ça, ça va être extraordinaire. Plaisir, on va être le seul podcast au monde à faire à couvrir des vieilles cochonneries. Une heure sur E.T. Let's go. Ah ben, E.T., ça, tu vois, on pourrait essayer d'en faire la critique. Ben oui, puis ça aurait du gros reach à cause de toute la controverse. Ah ouais, ça serait bon pour les clics. On devrait le faire. On lui donne un 4.5 sur 5. Je sais même pas si on l'a déjà fait à Rétro Nouveau. Il me semble que non. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait tant d'Atari à Rétro Nouveau? Non, c'est ça, pas bien bien. On en parlait, mais on en critiquait. On en parlait beaucoup, mais on en faisait pas bien bien, est-ce dit? Quand il y avait des let's play, des fois, là. Ouais. OK, ben écoute, on met ça sur le back burn, puis on y pense. Ben oui. En attendant, avant de partir dans les questions du public déjà, il y a une question du public qui nous demandait qu'est-ce qu'on pensait du dernier showcase de Limited Run. Ah oui, oui. Fait que là, il faudrait que tu ressortes la fiche du paragraphe. J'ai ça ici. Et là, sur la dernière page, ouais, j'ai mis des liens. Alors, là, il y a une liste de jeux. On l'a pas écouté. J'ai complètement raté. Je savais même pas qu'il y avait T'es trop busy aujourd'hui. Exact. Et puis, il y a des jeux, on va tous les nommer, mais on n'ira pas tous voir du gameplay, par contre. OK. Fait qu'on va passer au travers de ça. Le premier jeu, c'est quoi, JF? Aero, The Acrobat Collection. Ça, on n'avait pas de gameplay, là, non. Ça. Après ça, on avait... Parce que, je veux juste dire une petite affaire là-dessus, c'est une compilation de Aero, The Acrobat 1 et 2 au Super NES. Je pense celui au Genesis aussi. Je sais pas s'il y a les deux au Genesis. Et il y a aussi Zero, de Kamikaze Squirrel. OK, je regardais pas. Qui est aussi une mascotte de Sunsoft. En fait, c'est tout du Sunsoft shit, ça, là. Alors, personne ne demandait ça, mais coudonc, ils font ça. Des compiles de Bobsy, des compiles d'Aero, des compiles Acrobat, de Bobsy. Toutes les compiles de stock que personne veut. Ouais, personne n'a demandé, personne n'en veut. On va pareil. Ils en font pareil. Fait que, pour tous les gens qui veulent pouvoir ne pas jouer à des jeux. Mais le pire, c'est que ces jeux-là sont pas si pires, mais c'est le level design qui est trop vaste. Là. T'sais, le level design n'est pas le fun, mais les jeux sont corrects, t'sais, le gameplay. Fait que, en tout cas. Ben, je peux mettre la liste à l'écran, mais on va aller au gameplay quand il y a du gameplay. Parfait, faisons ça. Ça va être. Voici notre belle liste. Là, vous pouvez voir notre doc. Là. Donc, on était rendu à Angry Video Game Nerds 8-bit. Donc, ici. Oui. Il existe deux jeux du Angry Video Game Nerd déjà. J'avais critiqué le premier à Rétro Nouveau. Le deuxième, je l'ai. J'ai même pas joué encore. Mais là, ça va être un jeu de style 8-bit. Donc, vraiment NES. Là, NES. Et puis, pas un coup de vieux. Ça s'en vient. Oui, il vieillit. Ben, comme nous tous. Comme nous tous. Puis je trouve que ça a l'air vraiment excellent. Pour vrai, oui, là, ce qu'on voit là. Puis c'est magnifique, là, à part de ça. Puis je pense que c'est RetroWare qui font ça. Il va y avoir plusieurs éléments de rétro, plusieurs jeux de RetroWare ce soir dont on va parler. Et sachez, puis j'en ai déjà parlé sur le show, que RetroWare était avant ça une chaîne, un site web avec des articles et puis qui contenait aussi toutes les chaînes de YouTubers américains qui faisaient du rétro. Donc, il y avait le Angry Video Game Nerd, Pat the NES Punk et plein d'autres. Et maintenant, RetroWare sont rendus un développeur de publisher. Et ils font aussi de la location d'arcade, je pense, d'affaires de même. Fait que je trouve ça bien admirable, tout ça. Oh my God, y a-tu une cassette? Ben, hein? peut-être qu'il y a un cover, là, ou... Ouais, je sais pas, pour vrai. Avec un contour Capcom, puis tout. Ah ouais, d'après moi, il va y avoir une cassette NES. Colis! C'est extraordinaire. C'est méga cassette. Physical 4 pre-order, including NES coming soon. Eh oui. Ah ben là, j'ai quasiment envie de m'en prendre un NES. Là. Ça sent rien. On va pouvoir précommander ça, je serai trop MTL. Alice, Bad Cheese. Bad Cheese, c'est un genre de first person weird de labyrinthe, t'as vraiment de l'air plate. Broken Reality, on dirait un genre de cyberpunk, mais que tout est glitché, genre. Ah, je sais pas trop ouais, catché, ouais, okay. Fait que ça m'intéressait pas. Le prochain, c'est Capcom Arcade Stadium. Ah, ben je l'ai sur PC, ça. Ben sûrement, parce que nous, pour Arcade MTL, il y avait plusieurs volumes de ça, puis on les avait tous achetés. Okay. Alors, c'est une compilation de jeux d'arcade For All 32 Capcom. Games. Okay, ouais. Et puis, peut-être tu peux avancer la vidéo un peu. On va en voir plusieurs. Ghost and Goblins, Commando, Gunsmoke, Section Z. Tous des jeux qui ont eu des ports NES aussi. Bionic Commando. Bionic Commando, l'original. Strider... Strider, 1941. Ouais, j'avais joué à 1945 sur celui-là, je pense. 45? 44, probablement. Carrier Air Wing. Je recule. Ah, ça, c'est... Sanjo no Okami 2. Ouais, c'est okay. Un autre nom, là, me semble, ça. Mais... Ouais. Captain Commando, le beat'em up. Vart. J'ai tout le temps aimé ce shmup-là, moi. J'aimais jouer à ça. Super simpliste. On l'avait chez Arcade MTL pendant un bout de temps. Warriors of Fate, c'est un beat'em up, ça allait bon, j'ai jamais joué. Street Fighter, oui. Power Gear, un beat'em up de mecha robot. Hein. Cyberbots. Cyberbots, un jeu de combat de robots, ça c'est sûr que c'est dull à mort. Ah, bien sûr, XX, War Games Destiny. Ouais. Battle Circuit, un autre beat'em up très weird. Giga Wing, ah c'est malade ça. Wow. Je savais même pas que c'était Capcom qui faisait ça, j'ai oublié. Ah, 1944 de Loopmaster, c'est ça que j'avais joué. Ah oui, puis tu l'avais critiqué. J'ai critiqué, c'est le premier jeu que j'ai critiqué ici, je pense. C'est vrai. C'était après le WEG, genre. Là. Ah oui. Puis, c'est tout. Pro Gear, qui est un shmup aussi, ça, que j'ai pas joué beaucoup. Shmup horizontal, ici. Ouais. Donc, c'est magnifique. Du beau gréement, ça. Hey, un beau jeu physique de tout ça, avec une belle pochette colorée. Ben ouais. Ça va être absolument malade. Prochaine chose, Show Aniki Collection. Show Aniki est un shmup homosexuel masculin. Pour vrai? Où est-ce que deux gars presque nus. C'est un shmup horizontal, puis les gars, ils planent à l'horizontale, et puis ils ont des trous des sur la tête, puis ils tirent avec le dessus de la tête, ce qui s'apparente à du sperme. Là. Et puis, ça se joue à deux en même temps aussi, puis tu peux combiner l'attaque pour faire une grosse attaque de sperme. Et voir que je joue pas à ça tous les jours. C'est hey, le train qui s'avance tout seul. Ah oui, puis tout ce qu'il y a là-dedans est gay. Oh my gay, god, là, ok, ouais. Les artworks sont gays. Ah, ils se font des headlocks avec des gros sourires. Là. Ah ouais, man, c'est l'enfer. Alors, c'est hey, l'arbre fait en pénis, en bois. Oui, my god. L'arbre de pénis de bois, man. Donc, si vous connaissiez pas Show Aniki, même... non, je connaissais pas. C'est ça que c'est. C'est très gay et puis c'est extraordinaire. Puis on va jouer au WEG. Et puis on va jouer au WEG certainement. Et puis ça, c'est une collection. Ben puis je connais pas assez les jeux de Show Aniki pour savoir combien il y en a et sur quelle plateforme. C'est gay ou c'est juste des bodybuilders? Non, non, c'est gay. C'est très gay. Il y a des pénis, là. C'est phallocentrique. Là. Ah, c'est ça. C'est ce que je veux savoir. Fait qu'on va en commander en grande quantité. Pour vrai, oui, là. Ben, en grande quantité, qu'on va être live de l'avoir un rabais, là. Mais moi, j'en veux un dans ma collection. Parce que j'ai jamais. Oui. J'ai joué rien qu'un peu, mais j'y ai jamais vraiment donné sa chance à cette série. Donc, très, très hâte de voir ça. Double Shake. Je me rappelle plus ce que c'était. Si j'ai pas mis de gameplay, c'est parce qu'on s'en fout. Ernest Evans Collection, c'est le genre de jeu. On dirait un jeu de Genesis que Fred avait critiqué à l'époque avec un fouet Indiana Jones. Vraiment de la merde là. Ah, c'est pas un jeu sur les films d'Ernest? Non, malheureusement. Fear Effect 2 Retro Helix. Je pense qu'il y a Fear Effect 1 qui sort bientôt en copie physique. Fait que donc ils vont faire le 2. Ok. Fuga Melodies of Steel 1, 2, 3. Je me rappelle pas ce que c'était. J'ai pas mis de gameplay. Iron Meat. Donc, vous savez que Iron Meat, dont on a parlé ici, dont j'ai présenté le jeu physique ouais, et ouais. dont on a eu en vente chez Retro MTL, c'était la version Strictly Limited et puis elle a monté en valeur follement. Et puis là, ben, il va avoir une version limited run. Question de tuer la valeur. Ben, je pense que ça va garder une valeur quand même. Probablement, mais ouais. Donc, si vous avez raté votre chance sur Iron Meat, et les chances sont grandes que vous ayez raté ça, ça va être disponible. Simon Lahaye qui dit que Chouaniki, Carl Robert en parlait dans les Power Chaser, PC Engine CD. Ouais, il en parlait pas mal, Carl de Chouaniki. C'est lui qui m'avait fait découvrir ça. Alors, Iron Maid, c'est good pour vous, tant mieux. Jay and Silent Bob, Chronic Blunt Punch. Donc, nouveau jeu. C'est un beat'em up, je pense, hein, ça? Ouais. Il y a du... Ah, c'est Gamy, t'es de ça, il est en dessous. Ouais, ouais, c'est ça, il est en dessous. C'est un nouveau jeu, un nouveau beat'em up. De... Ouais, je l'avais vu en développement, cette affaire-là. Ouais. Moi, il y a eu un premier beat'em up de Jay and Silent Bob. Ah, c'était Bob, ouais. Qui était comme Double Dragon 2. Donc, très NES, là. Carrément ouais, ouais. NES. Puis celui-là, c'est de l'animation, c'est purement de l'animation. Ouais, là, c'est du cartoon, là. Ouais, ben ça, c'est du... Ben ça, c'est du gameplay, pas du gameplay, c'est du... Pas du gameplay, si tu l'avances un peu... Ouais, okay. Si on voit le gameplay, il est ouais. très cartoony aussi. C'est hot, ça. Fait que, oui, ça va-tu être bon? Est-ce que je vais me procurer ça? Je sais pas. Là, il fait un rage de Wolverine. Ouais, la boss ouais. de fin, une espèce de dominatrix latex, puis il y a des gimps partout. Tout ça est hyper sexuel. Bon, ben, c'est Jane Silent Bob. Là. C'est... Ah, je sais pas. Y a-tu une dominatrix dans Jane Silent Bob? Oui, puis non. Là, c'est très dans la mythos Kevin Smith, le View School Universe. Là, ça fit là, avec ça. Ah, OK. Je trouvais que c'était un drôle de choix, justement. Fait que voilà. C'est intéressant, hein, I guess. Little Goody Two Shoes. C'était comme une affaire dans. Ça ressemblait à un petit chaperon rouge, pas quoi. Ouais, ouais. Ça m'a pas dit. Ça me disait pas grand chose. Puis c'était un jeu de placer le bonhomme sur un board, là. En tout cas, ça va de l'air plate en mode. Ok, ok. Little Samson va ressortir, mesdames et messieurs, en format physique. Donc, pour ceux qui ont raté la version NES à 3000$, ben oui. vous allez pouvoir vous acheter cette version-là qui vaudra quand rien de plus que ce qu'elle vaut quand tu l'achètes. Et puis, ben c'est quand même le fun. Là, pour ceux du monde qui vont vouloir avoir ça dans leur mm-hmm. collection. Donc, c'est cool. Neon Inferno. Ouais, ça, man. Je sais pas ce que c'est. Là. On va mettre du gameplay à l'instant. C'est RetroWare qui le publish. Et puis, c'est 2D. Hack and slash, ça tire du gun au look cyberpunk. Punk un peu, si je peux dire, mais même... Ah oh non, ça part dans tous les sens. Hein. Beaucoup de guns, en fait. Ouais, hein? C'est un jeu d'action. Ouais. À la Contra un peu, mais avec du beat'em up aussi. Et aussi du tir, comment je peux dire, vers le fond. Tir en profondeur. Ouais, du tir en profondeur à la Wild Guns. Mais c'est hot comme concept. Fait que tu y vas sur le side, genre horizontal, side-scroll, mais les boss sont dans le fond, on dirait. Là. Exact, exact. Le dernier jeu qui m'avait rappelé ça, c'était The Red Star sur PlayStation 2, qui mélange parfaitement beat'em up et shoot'em up et tir de même. Là. C'était vraiment hot. Peut-être qu'ils s'en sont-ils inspirés. En tout cas, les visuels, ils ont l'air très intenses, là, très colorés, très ouais, lumineux. Mais écoute, c'est intéressant. Faudrait l'essayer au WEG, ça, en fait. C'est disponible. Tout ça, là. On l'essayera ça. Onimusha 2 va sortir. Je suis pas un fan, whatever. Pinball FX Williams Pinball Anthology volume 1. J'ai regardé et en voulant voir du gameplay, il y a 5 volumes déjà qui existent. Ah ouais. Fait que là, il commence avec le 1 en physique. On s'en crisse un peu, il me semble. Prison City, que j'avais critiqué à Retro Nouveau, ou ici, je ne me rappelle plus. À Retro Nouveau, ça. Ouais, à Retro Nouveau, qui est un jeu à la Power Blade. Ouais, ouais. Donc, aussi publié. Ça avait l'air très bon, ça. C'était très bon, j'avais bien aimé ça. J'étais surpris qu'il n'y avait pas de version physique de ça. Donc, il y en aura une, et puis je vais me procurer même. J'ai fini le jeu, puis j'ai eu du fun. Je m'en manque pas, il y en a une pour la collection. Donc, c'était très agréable. Prize Fighter Heavyweight Edition, c'est un jeu de boxe, genre du Sega Saturn, ouais, ouais, là, qui se veut un peu réel, puis tout ça, là, c'est bof. OK. Je sais pas pourquoi ils font ça, une autre affaire que personne n'a demandé. Ouais. Renen. Ah, Renen. OK. C'est un autre un scroller. Je me demandais c'était quoi. Ouais, c'est un side-scroller, la Shovel Knight-ish, ouais, ouais, un peu. T'as un petit chevalier, un petit bonhomme qui ressemble à un dog. Il y a des bébites, il y a des shops, il y a des affaires. C'est aussi un look un peu Terraria. Là, ouais, ouais, je, ouais, je sais pas comment le dire. Là. Ouais, c'est vrai. Je sais pas que, c'est bon, pas avec ce des que gros c'est. Bras. Mais c'est un peu étrange, je voulais le présenter. Ça va bien, ouais. Oui. D'autres affaires à essayer. C'est spécial. Ensuite. Sigma Star Saga DX. Ouais, ça c'est j'ai jamais joué à ce jeu-là. C'est un jeu de Game Boy Advance qui mélange shmup et 2D, jeu d'action 2D. Okay. Il me semble, et des éléments de RPG. C'est un bon petit jeu, ça, super complet, paraît-il. Alors, content que ça sorte sur, en physique sur Switch. Sûrement, ça va être bon pour tout le monde. Slam City with Scottie Pippen Respect Edition. Nice. C'est un jeu de multi-disque, ça, sur Sega CD, je crois. Okay. Et puis, il y avait genre 4 disques. Ah, ouais. C'est full FMV basketball. Ah, ouais, mais ça, Scottie Pippen. On s'en calisse. Fait quand ils sortent ça. OK. Teenage Mutant Ninja Turtles Tactical Takedown. C'est le fun à dire, mais ça a l'air plate à mort. C'est encore une fois, c'est de placer tes personnages sur le damier. Ouais. C'est du tactique. Alors, du moi, ça m'intéresse. Turn by turn, là, genre. Exact. Sinon, Toxic Crusader, ça fait longtemps que c'est en développement, ça, chez Retroware. Ils nous le montrent beaucoup. Ils l'ont amené dans des conventions. C'est carrément une copie de Turtles Shredder's Revenge, ouais, ouais, là, au look, là, tu sais. Fait que, mais c'est ça, il développe depuis longtemps, puis ça se développait en même temps que les Turtles, tu sais, moi je trouve que c'est très très très inspiré. Un autre jeu qui est inspiré, je trouve aussi, c'était, il est pas dans la liste, mais c'est un jeu de G.I. Joe qu'on a joué, ouais, ouais, au, ouais, dernier WEG. Mais c'était une pâle copie de Shredder's Revenge, c'était vraiment plate à mort. Alors j'espère que Toxic Crusaders va être vraiment supérieur à G.I. Joe, mais je serais étonné que ça soit aussi bon que Shredder's Revenge. Mais bon, ça a l'air quand même nice, alors on verra bien, ouais, ce que ça donne. Trials of Blood Dragon, donc c'est un jeu de Trials, tu sais, de faire du moto, motocross, ouais, de, puis, mais au look de Blood Dragon, Far Cry, ouais, ouais, Blood, ouais, Dragon. Ah, c'est bon, un mix ça, de Trials et de Blood Dragon. Exactement. Turbo Overkill, Chris, je me rappelle pas, c'était quoi ça? Je me rappelle pas du tout. Valiant Hearts, je m'en rappelle pas non plus. Et puis le dernier, c'est Xeno Tilt, qui est un jeu de pinball, mais hostile. C'est ça, c'est même, c'est ça. Hostile, oh, wow, pinball. Donc, ça me rappelle les jeux Devil's Crush, puis... Ça, c'est oui. L'autre jeu, Crush. Il y a deux, au TurboGrafx-16, il y a deux jeux de pinball qui s'appellent Crush, okay, là. Devil's Crush, puis l'autre, j'ai oublié le nom. Et puis, ça me semble inspiré de tout ça. Ça a donc bien l'air hot, ça. Ouais, il y a beaucoup d'action, beaucoup de gréement. Je pense que ça va être pas pire, là. Ça me parle. Mm. Donc, tous ces beaux produits là, qu'on va commander chez Retro MTL au cours de l'année et qu'on va recevoir dans 2-3 ans. Là. Alors, soyez heureux. Ah, Alien Crush, que Simon Haye dit, en effet. Alien Crush et Devil's Demon's Crush au TurboGrafx-16. Deux jeux de pinball très bons, très bonne soundtrack, et, etc., etc. Voilà. Ça s'en inspire, à mon avis. Bon. Bon. Ben, sinon, c'est tout. Là. On serait déjà rendu à aller aux questions du public. Musique. Turbo Kill est en spécial sur Steam, je pense que je vais l'acheter. C'est vrai, hein? Puis, On en a la copie physique pour en faire la critique. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles là-dessus. Là, ou... Oui, en effet. Il est finalement apparu sur les listes de nos fournisseurs. Ah! Mais genre, ils ont mis une date. C'est apparu là, mais ils ont mis une date genre printemps 2026, mais quand ils font ça, c'est une date bidon. Ah, okay, okay. C'est juste pour dire que ça va être en 2026, mais ils savent pas quand. Ouais, ouais. Alors, j'ai parlé à Giz, il savait pas non plus exactement. Donc, les gens qui produisent ça, c'est Premium Edition. Et puis, c'est la balle est dans leur camp. C'est ça. Parce que je pense qu'ils n'ont même pas commencé encore à distribuer les copies physiques aux backers de Kickstarter. Ah ouais, okay, okay. Fait que en premier, ça va passer là, puis après, ça va aller dans le reste. Alors, pas de nouvelles encore, mais soyez certains que quand la chose va être officielle, d'un, on va ouvrir les précommandes, si possible, et puis on va s'assurer qu'il y en aille pour tout le monde. Ils ont finalement fini leur subathon, le jeu. Oui, oui. Giz, aujourd'hui, il y a mis une photo, genre, sorti du subathon, il y avait la barbe grosse en main, pour ça, il y a la barbe toute petite. Là. Exact. Le jeu, c'est sérieux. Le jeu, c'est sérieux, oui. Ouais. Je joue le jeu, ça fait longtemps qu'il n'y a pas... Ça, ben, je ne sais plus. Mais oui, le jeu, c'est sérieux, autres, en effet. Bravo. Giz et Laurent, c'est ça que je veux dire. Ils ont fait une run. Un genre de 50 jours, je pense. Ah ouais. Ça n'a pas de sens. Là. Allez-vous critiquer le jeu de Turbo Kid? Oui, quand on va avoir la physique, ou bien on le fera sur mon ordi et on le critiquera. Je sais pas trop, mais oui, exact. On le fera là. Ben, c'est parce que moi, j'aimerais que la version Switch existe. Là. Ouais, pour la critiquer. Je sais pas là, si elle existe. Elle existe-tu? Je sais pas. J'ai même pas vérifié. Ouais, bon. Pendant que tu vas voir, je vais commencer les questions du public avec Simon. 94 sur Instagram. Salut les gars! Gars! Croyez-vous qu'on ah devrait... oui, là, sur Switch. Donc, 21$. Bon, ben, Colin, je vais me le pogner. Tu te le pogneras. Puis je vais va jouer à ça. Ben oui. Après Silksong. Oh, on a tout perdu à la TV. Non, ouais, c'est parce que c'est ça. Donc, on va retenir la question de Mr. Rat dans le chat. Ouais. Donc, Simon94, croyez-vous qu'on devrait faire, comme en Finlande, une semaine de 4 jours de travail? Oui. Simon Pellerin, fonctionnaire fédéral qui scrape du vieux stock de l'armée, plus vieux que moi. Donc, voilà. Des semaines de 4 jours, tu dis? Je suis sûr qu'on est plus efficace, on le fait en 4 jours. Mais comment est-ce qu'on... Faut rallonger les journées? De 4? Non, tu fais juste travailler une journée. Là, genre, c'est sûr qu'on est capable de faire en 4 jours. Là. Ah, mais comme disait Lucien Bouchard, en France, si travaille, ouais. Tout le monde travaille, puis ici, on veut pas travailler. Il y a ça aussi. Il faut créer de la richesse, il faut travailler. Ouais, mais anyway, on n'aura plus de job bientôt. Tout le AI va prendre les jobs. Exact. Ben écoute, 4 jours, moi j'aimerais ça aussi, mais puis ça me dérangerait pas de rallonger les autres journées un peu. Je fais déjà des très longues journées, moi, fait que je suis pas un modèle pour ça, là, mais ben, c'est mais ça, mon... moi non plus. Je fais déjà des journées, tu sais, de 8 à 5, là, de base, fait que... J'aurais pas une retraite directe, mais je pense que genre une retraite progressive que je tombe à 4 jours maintenant. Faire comme 4 jours semaine, c'est assez, 3, c'est assez, tu sais, puis je vais... Ça te permet de faire tes commissions, Steve, aussi, là. De régler tes affaires, là. C'est court une fin de semaine, là, tu sais. Oui. Moi, je trouve ça trop court, là. C'est très court. Je suis d'accord avec ça. T'as un enfant tout seul, des fois, c'est très court encore plus, tu sais. Exact. Non, on est d'accord avec ça, Simon. Continue de briser des vieux tanks. Donne-nous les vis, les boulons. Et envoyez-nous, envoyez-nous des scraps, des shrapnels. Des shrapnels, des douilles. JF Huard 77. Ce n'est pas vraiment une question, plutôt une suggestion. Vous aviez déjà fait une analyse des logos de la LPHF, la Ligue féminine de hockey. Et j'avais beaucoup apprécié votre regard de professionnel en graphisme. Ce serait intéressant que vous fassiez le même type d'analyse, mais appliqué à des jeux vidéo. Par exemple, en examinant le graphisme de boîtier de jeux Super NES ou d'un titre précis. C'est pas fou, ça. Oui, ça prend... Là, attends, faut que je me remue. Faut que je sauf me que tu sais, genre, les spécialistes en graphisme, c'est toi, c'est pas moi, là. C'est... Ouais, ben, il y a le graphisme, puis il y a aussi l'histoire de l'art, là, tu sais. Oui, c'est ça, je faudrait que je me replonge là-dedans, parce que là, il pourrait avoir... C'est la recherche qu'on pourrait faire, là, ouais. R-Type 3, de la façon que le vaisseau est placé sur la boîte, ça rappelle une composition, tu sais, d'expressionnisme. Ça, c'est vrai. Il y a des enfants... Je peux pas voir ça, je suis pas assez artiste. C'est pas dans l'histoire de l'art. Mais de l'analyse de logo puis d'image de marque, ça m'intéresse. On pourrait faire analyse de logo de grandes compagnies, genre Konami, puis affaires-là, puis les regarder, genre LGN. Mais c'est certain qu'il y a plein d'affaires qu'on sait pas en arrière de ça. Oui, effectivement, c'est toutes des affaires qui demandent de la recherche. On va être pertinent, sinon on fait juste dire de la merde. On peut dire de la merde, si vous voulez. On pourrait dire de la merde aussi, on pourrait inventer. Si on est capable. Ça, on est très bon. On pourrait dire, ben c'est fait de même parce qu'on pense que c'est ça. C'est ce qui ressemble à un pénis à chaque logo. Ben on pourrait rester à l'affût de tout ce qu'on voit. Et puis, à chaque fois qu'on voit un logo, un branding sur un jeu de collection, je sais pas quoi, on se dit, hey, d'ailleurs, tu sais, puis ça fait penser à ça. On pourrait essayer ça. On regarde ça en note, dans notre tête. Fréchette Antonin. C'est-tu Mr. Rat, ça, ou c'est le frère, là, dans le chat? Je sais plus. Je sais pas, il y en a un des deux à qui je parle là, sur Instagram, d'ailleurs, là, VR puis d'autres affaires. Là. Ah, ouais. Mais je conseille les arcades Twin Stick en ce moment. Là. Ah, ben, t'es peut-être en train de leur faire acheter une Smash TV. Oui. Ils m'ont consulté par rapport à ça. Moi, j'avais dit, ça dépend qu'est-ce que tu recherches, mais j'ai mon point à la fin, c'est Smash TV, tu peux jouer à deux. Fait. Exact. Ça, c'est, ça prend ça à ça Smash prend TV. Ça, ça prend oui, parce que c'est dur à guess. OK. En tant que collectionneur, est-ce que ça te dérange de ne pas posséder les vraies cartes d'arcade, les original boards, et de jouer plutôt sur un PCB qui fait de l'émulation? Les PCB d'époque ont souvent tendance à tomber en panne ou en poser certains problèmes. Et à l'inverse, en tant que propriétaire de bord arcade, est-ce que ça te dérangeait autant? Moi, personnellement, je suis très anal sur ces affaires-là. Ouais, ouais. Puis j'aurais tendance à dire que je préfère avoir le board original. Tout le plus original possible. Pour le art, tu sais, mettons, t'as un side art qui est déchiré, puis là, t'en fais printer un high-res propre, tu sais. Je sais pas pourquoi, ça, on dirait que ça me dérange un peu moins. Ou le marquee est pété. Toutes les marquees existent maintenant là, sur Internet, sans faire print. Ouais, c'est pas un problème. Il y a de quoi à faire, tu sais. Mais, m'a de dire, après 9 ans d'être propriétaire d'un bar arcade, puis avoir toutes ces machines-là tomber en panne à chaque année, tu sais, à répétition, puis à demander à. C'est pas moi qui réparais, là, mais que les gens nous aident à les réparer. Joe, Steve, puis là, c'est Carl, puis Martin, puis Ellie. Puis, c'est tellement d'ouvrages entretenir ces vieilles affaires-là. Fait que je peux comprendre que le board est pété, puis là, tu peux le shipper le board, man, à des réparateurs qui en ont déjà, aux États-Unis, qui en ont déjà 50 à faire. C'est ça, là. Puis tu vas l'avoir dans 2 ans. Puis on a fait ça, là. Il y a un gars à Vegas qui en réparait, tu sais, puis tout. Mais à un moment donné, en effet, je pense que tu as le droit de prendre un raccourci, là, pour essayer d'avoir du fun avec ton affaire, là, tu sais. Une fois que t'as genre le frame de l'arcade, t'sais, comment, qu'est-ce qui roule l'intérieur? C'est ça. Puis encore plus dans un bar. T'sais, nous autres, on était anal dans le bar, là, puis on voulait que ça soit là. Mais t'sais, le monde y arrive, ils sont sur la brosse, ils renversent des bières là-dedans. Que ça soit même pas un vrai écran, personne ne s'en rendrait compte. Là, machine, fait que non, ça, m'a dit pour un bar, je serais pas. Le monde s'en rendrait pas compte, ça savait même pas que ça existe, ces affaires-là, souvent. Là, exactement. Comme, des vieux jeux. Puis tombe, le jeu, il part. Il part pareil comme il partirait sur un vrai bar. Fait que le monde, ils savent pas. Alors, si vous ouvrez un bar arcade, essayez d'avoir les vraies affaires, à tout le moins les vrais contrôles, puis tout, là, des vrais cabinets. Là, mais si vous avez des problèmes en dedans, bon, un bar d'arcade a juste des mêmes, c'est ordinaire. Là, mais... Non, ça, c'est. Ou ça. Des one-up, là. Je vois des. Hey, nouvelle arcade, on a une section rétro des one-up. C'est comme. Fuck you, man. C'est correct, les one-up, là, mais t'sais, tu t'ouvres pas une arcade rétro avec des one-up. C'est pas ça. T'sais, à Toronto, une heure, j'avais été le free play, puis il y en avait des one-up dedans, mais ce n'était pas que des one-up. Non, des, c'est ça. Les one-up remplissaient des coins vides petits. Je me dis, c'est correct. Là, exact. Puis on avait une chez Arcade MTL aussi, on avait la Pong Table, puis c'était genre la plus populaire. Oh, là. C'était une one-up, puis elle s'est faite décrisser très rapidement. C'est clair, là. C'est pas ça, des one-up. Là. Mais tu sais, 20 arcades one-up n'est pas une arcade. Quand tu peux comme aller chez Costco et régler ton projet en un après-midi, c'est pas une barre. Ça peut être juste des IK, là, puis genre des tabletop. Là. Exact. Bambino Tacos. Yes. Bonsoir, Monsieur Cassette, ainsi que JF. Hello. J'ai une frustration qui m'a envahi dernièrement suite à l'annonce d'une version physique de Iron Maiden sur Limited Run, un jeu que j'ai eu du mal à acquérir de manière physique qui était déjà sorti avec Strictly Limited. Ma question est la suivante. Sentez-vous que des fois, les compagnies de print limitées de jeux vidéo, c'est du n'importe quoi dans le sens qu'ils sortent certains jeux de manière limitée, entre guillemets, et que ce jeu ressort sous d'autres bannières, ce qui enlève en quelque sorte son atout rare de collection ou au contraire, c'est bon pour les affaires et ça permet aux gens d'y avoir accès plus facilement. Merci beaucoup et bonne fin de show. Ça génère-tu de la fausse rareté d'avoir un produit de même comme Iron Maiden qui est genre « il n'aura pas » puis là, on en ressort une autre version physique? Ben, mettons dans le cas précis de Iron Maiden, c'est que le premier publisher physique, c'était Strictly Limited. Ouais. Et Strictly Limited, veut pas, c'est un peu de la merde. Fait que les gens qui ont créé le jeu Iron Maiden, les développeurs, ils ont, I guess, poké Strictly Limited en premier. Puis ils ont fait, oui, on va en faire. Puis là, ils ont réussi à en faire une coupe, ça a été tout croche. Mais finalement, le jeu était tellement bon que ça s'est sold out tout de suite. Puis là, vu que Strictly Limited est une compagnie de merde, ils n'ont pas les reins assez solides pour en reproduire des batchs et tout ça. De toute façon, la batch est terminée. Fait que là, eux autres, ils ont dit « Hey, il y a de l'argent à faire avec notre jeu encore. » là. Puis la batch physique, il n'y en a plus. Ils se sont retournés vers Limited Run, à mon avis, qui sont capables d'en imprimer beaucoup. Puis là, ben, moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Ça ferait du sens. C'est là. Un trop bon jeu pour que seulement une petite batch de Strictly Limited termine. Les développeurs veulent de l'argent. Ben, je les comprends. Oui, c'est sûr. Là. Fait que c'est un bon jeu, effectivement. Là. Exact. Puis ça, c'était excellent. Par contre, pour The Messenger, comme Hidalgo Kane dans le Hidalgo chat. Hidalgo Kane. Hidalgo Kane. Tu le dis en vrai. Idole Gakin. Idole Gakin. C'est vrai que, par contre, The Messenger, le premier, était fait chez Special Reserve. Puis après, ils ont fait une petite batch. Puis après, ils en ont fait chez Limited Run. Et après, il y a eu l'ultime batch qui est sorti l'année passée qui contenait aussi le DLC. Ouais, ouais. Fait que là, en effet, ça dilue le shit. Ouais, ben c'est t'sais. Clair, là. Donc... mon presse citron, là, c'est... C'est comme si... Les plus gros, mettons les Limited Run sont les plus gros, mais ils vont pas se saucer à faire les jeux de tout le monde. Par contre, comme on a vu tantôt dans la liste, ils se saucent quand même à faire de la merde. Mais oui. Ça, non, c'est eux autres. S'il y a une pièce à faire. Exact. Mais tu sais, ils vont pas faire tous les jeux, là, tu sais. Mais c'est les seuls, on dirait, qui ont les reins assez solides pour en faire, tu sais, comme beaucoup. Fait que si toi puis moi, demain, on fait un jeu, tu sais. Limited Run vont sûrement nous envoyer chier. Ouais, ouais. Mais Special Reserve et Strictly Limited et Premium Edition, peut-être pas, tu sais, parce qu'ils sont plus petits. Mais là, notre jeu est tellement malade, tu sais. Fait que moi, je pense que c'est un petit peu ça qui se passe ouais, aussi. La réputation a fait que Limited Run, on le prend, eux autres, là. Exact. Ouais, ça se pourrait. Puis je comprends le monde d'être frustré, par exemple, de. Il y avait une rareté, là. Il y en a une moins grande rareté, là. Surtout quand tu forces à acheter le jeu à 150$, tu sais, ouais, alors ça, que, mettons, à la sortie, le jeu il est 80, Iron Maid, puis là, tu dis, fuck, j'ai raté ça. OK, je vais pull the trigger ouais, sur eBay ouais. à 150. Puis là, t'es comme, bon. Mais inquiète-toi pas, Tacos, Monsieur Bambino. Je pense pas que ça va avoir, ça va conserver une valeur, tout comme Little Samson va pas dropper drastiquement en valeur. Il y a des jeux qui droppent en valeur, tu sais. Mettons Paper Mario GameCube, ça a comme droppé de valeur pas mal quand ils ont fait l'autre sur Switch. Mais c'est commun, Paper Mario, tu sais. Ouais, ouais. Mais ton Iron Maid Strictly Limited, il est limité, ouais. Pour vrai. Puis Blasphemous, le premier, a un tirage numéroté de Limited Run. Puis il vaut 150$ à cette heure. Puis après, ils ont fait une version retail vendue pas à numéroté, large, là, pas numérotée. Ah ouais, au moins, pour ça. Fait ça que là, ouais. Fait que la version retail, elle vaut moins, puis l'autre, elle vaut plus. Ça a du sens. Fait que ça se maintient, tu sais. Quand Limited Run dit on en fait des limités, puis on a l'impression il va full in retail, ben c'est ça qui se passe. Fait que ça demeure que si ça a une valeur à la base, la valeur n'est pas oblitérée là, par un second print nécessairement, tu sais. Mais ouais, ça peut être réduit quand même, c'est vrai. Talbot jeu. Question post-élection. Avez-vous gagné vos élections? Et quel pourcentage de jeux vidéo ferait... Et quel personnage de jeux vidéo ferait le meilleur ou la meilleure mère et pourquoi? Monsieur Bison. Quoi? Monsieur Bison. Monsieur Bison. Ben sûrement Mike Hagar. Bon, il est déjà un maire. Il a une moustache de maire, là. Puis il est déjà un maire. C'est plus, le maire là, de Metro City. C'est vrai, là. Chris, moi, ça serait mon maire, puis c'est un lutteur, puis tout ça. Es-tu allé voter au municipal? Ben, Chris, oui. Là. Moi aussi. J'ai gagné mes élections haut la main, c'était sûr. Là. Genre, j'aurais même pas été voté, puis... Ouais, ouais, ben toi, t'es à Longueuil. J'étais à Longueuil, fait que c'est Madame Fournier qui a repassé, là. C'est sûr qu'elle est passée. Elle fait un excellent travail. Ben oui. Fait que ça, mais genre, je suis allé chez mes parents en disant mon père n'est pas allé voter, ma mère pas allé voter. Je suis comme calice, genre. Moi aussi, il y a du monde autour de moi qui sont pas genre, allés. Genre, ça voter. Donne rien. Non, c'est là que ça donne de quoi au municipal. Genre, c'est là qu'il faut que tu votes. C'est là. Ce qui donne le plus de quoi dans mon ta vie. Mon père à Longueuil, il dit ça donne rien. Anyway, elle allait passer. Je suis oui, là, ça, dans ce cas-ci, c'est clair. Elle a passé à comme 93%. Là, c'est... Ah, mais c'est pas long, là, aller voter. Et non, là, moi. J'avais pris une marche, c'était dans l'école de mon gars. Je marchais, j'étais dans le gymnase, j'ai vu le gymnase, je suis reparti. Ben, ça a pris une seconde et demie, là, vraiment. Ben, moi, j'ai eu de la marche, par contre, parce que quand je suis allé à la même place que d'habitude, dans une école, tu sais, ouais. Où est-ce que je vais voter fédéral, provincial, chaque fois qu'il y a des votes, c'est là. Puis là, je me pointe là, avec rien, tu sais, puis finalement, on dit « Ah non, vous, monsieur, avez-vous votre papier? » Je suis comme « Non. » Ben, on va regarder ça. Donc, ah non, faudrait aller sur Iberville. Je suis comme, Iberville? Il me semble que c'est fucking loin. Là, ouais. Attends, je vais double-checker. Là, check comme faux. Ah non, finalement, faudrait aller sur la rue Lafond. Là, t'sais. Fait que là, c'est comme, t'es sûr, là, OK. Fait que là, j'arrive sur Lafond. Elle dit, avez-vous votre papier? Non, j'ai pas de papier, tabarnak. T'sais, OK, ben là, c'est quoi votre bureau de vote? Ben, je sais pas, qu'est-ce que je fais? J'ai pas de papier. Puis là, on était une petite gang à pas avoir de papier. Okay. Fait qu'elle m'a mis, va dans le troupeau là, puis il y a quelqu'un qui va arriver tantôt, puis il va vous dire sur le site web où aller, puis tout ça. Fait que là, pendant que j'attends comme un épais dans le fil, t'sais, je sors mon téléphone, je trouve le site election.montréal.ca, je sais pas quoi. En deux secondes, je rentre mes affaires, en deux secondes, bureau de vote 24, merci, bonjour. Je monte ça à la fiche, donc c'est bien 24. Oui, ça serait ça. OK, good. Puis là, on était une estigagne à pas avoir eu notre papier. parce que Post Canada a fait la grève. Oui. Puis là, on n'a pas eu nos papiers. Et je trouve ça... C'est con. Inadmissible. Pendant les élections, c'est fucking cave, ça. Chris. Puis même s'il y a un backlog, là, qui sont en retard... Tu sais, je veux dire, tantôt, on a... D'autres, quand tu reprends les postes, c'est la première affaire que tu livres. Ben oui. Ou tu fais livrer papier par bureau letter, whatever. Comment ça que la moitié de la population... Autour de moi, on n'a pas eu le papier. Oui. Tu sais, moi, je suis jeune, j'ai un téléphone, je m'organise. Là, mais c'est un service essentiel, ça, la poste, pour les votes sacrément. Ben là. Oui, tabarnak. Même affaire pour la STM. Hostie, c'est un service essentiel, les transports communs. Faites d'autres moyens de pression, calice. Vous fuckez le monde qui ont les plus petits salaires en ce moment. Là. Ben oui. Le monde qui sont dépendants de leur job. J'ai vu une photo sur Facebook un matin là, du monde en ligne chez genre Super C parce que les caissiers sont en retard parce qu'ils n'ont pas le droit de prendre l'autobus. Comme... Chris, tout le monde est fucké, là. Qu'est-ce que vous faites? Ben oui, puis nous autres ici, je retrouve une telle. Puis faut... qu'est-ce que tu penses ça va faire après ça pour les employés de la STM? Tout le monde va les envoyer chier, mais que ça recommence. Puis ça... personne ne va avoir de sympathie pour eux autres, là. Ben non. Tout le monde est dans la marde. Genre, c'est... Voyons, là, qu'est-ce que vous faites? Puis nous autres, il faut qu'on Uber nos employés, tu sais, la fin de semaine. Ça n'a pas de sens. Ils peuvent pas. Faut qu'on refasse tous nos horaires, puis tout. Puis là, ben, ça fait baisser notre achalandage. Tu sais, puis là, quand ils ont décidé, eux autres, de fermer complètement un samedi, là. Ben, c'est un samedi. Fait que là, il n'y a pas de STM et puis il y a des travaux dehors. On n'a pas beaucoup de stationnement. Hein, comme pas de bon personne ne peut venir. Puis moi, je prends l'autobus Saint-Michel pour venir travailler matin et soir. Et puis là, au lieu, quand ils sont là, ils font le service deux fois par jour. Mais au lieu de prendre les gros autobus à accordéon, comme d'habitude, ils prennent les petits. Qui a déjà plein de monde en retard. Ils sont tous pleins. Qu'on est tous là-dedans, la face à côté dans vite. Même tout le monde collé ensemble. Que c'est ça, tabarnak? C'est l'épée service. Non, mais c'est comme... T'es supposé... Prends au moins lui avec l'accordéon. Prends comme d'habitude. Offre le service normal pendant la zone que t'es... Pourquoi tu veux faire ça? Parce que le chauffeur qui chauffe, il n'a pas le droit de chauffer celui de l'accordéon. Il n'a pas le bon permis, je sais pas. Non, je pense pas, je sais pas. C'est donc incroyable. Je ne vois rien d'autre que de vouloir nous faire chier. T'sais, ça n'a pas de sens. C'est-tu parce que les petits prennent moins de gaz? Y a-tu un calcul quelque part qui dit que dans une convention, quand il y a une grève, faut pas. T'sais, ben whatever, j'en ai comme pas l'impression d'un. Puis ceux-là qui prennent le métro le matin, le métro, il roule-tu à la moitié de sa vitesse t'sais, pour faire chier le monde encore plus, tout comme mon petit autobus? Mais je comprends pas ça. Tu sais, samedi, genre, tout est fermé. Ils ont rouvert le REM jusqu'à minuit. Comme, mais qu'est-ce que vous faites, tabarnak? Genre, tout le temps, tout ça, ouvert, là. Voyons, là. Ah, man, c'est. J'étais assez écœuré, là. Ouais, moi, là, le cœur de la ville, des grosses villes, métropoles de même, c'est le transport en commun là, qui drive tout ça. Qu'est-ce que vous faites, là? Ah, c'est... Pourquoi Post Canada sont en grève aux 3 mois de tabarnak aussi, genre? Arrêtez, là! Ah, je sais. Livrez vos hosties de colliers à bras avec vos deux pieds. Let's go, là. Ah, écoute... Je comprends, tout le monde veut avoir des meilleures conditions. Moi, là, si j'ai besoin de faire de la pression à ma job, j'irai pas te faire chier sur ta job à toi. Fuck you, genre. Chris, c'est ça l'affaire. Mais en même temps, ils sont pognés. C'est quoi les moyens de pression qu'ils peuvent faire sinon, tu sais? Ben là, les syndicats disent que les gens de la STM, les gens qui travaillent à la STM peuvent pas faire de moyens de pression à l'interne. T'sais. Ils ont pas le droit de mettre des collants et tout ça. Fait que tout ce qui leur reste, c'est de prendre la rue, comme ils disent. Fait que, quand tu prends la rue, tu t'enlèves le service que tu fournis. Fait que là, c'est un peu de la merde. Ben, y a beaucoup de monde qui disent qu'au lieu d'enlever le service, ils devraient faire le service gratuit. Ainsi, ah ouais, ben oui, pas faire payer le monde. Chier tout le monde, ben c'est la STM qui perd de l'argent à faire rouler le service sans recueillir l'argent. Mais là, en même temps, ça voudrait dire qu'eux, il faudrait qu'ils travaillent gratuitement. Ben puis là, ils sont pas payés pendant qu'ils font une genre de grève à faire chier le monde. Ben, ils sont payés, mais ils prennent pas le coût du monde qui rentre là, dans l'autobus, mettons. Non, mais c'est ça. Mais mettons nous, là, on est chauffeurs d'autobus. Ben, c'est pas, en plus, même pas les chauffeurs, ils sont en grève, mais whatever. On travaille demain, c'était, on va travailler comme d'habitude. Ah ouais, on est en moyen de pression, tu sais. On part, on prend les autobus, on fait le trajet comme d'habitude, on fait pas payer le monde. Mais notre employeur, il nous payera pas, là, tu sais. Ben, il doit avoir des conventions collectives que si tu travailles, faut-tu payer, genre? Ben, je sais pas. Ta paye de chauffeur est... Je sais pas si même faisable, mais j'ai vu du monde qui disait dans les autres pays. Au Japon, j'ai vu des commentaires là-dessus. Au Japon, c'est ça qu'ils font. Ah, quand ils sont en grève pour les moyens de transport, tu sais, c'est comme, bon, ben, tout le monde, prenez les autobus, c'est gratuit. Fait que c'est l'employeur qui perd de l'argent. Ça devrait être ça, là. Ça devrait être ça, mais tu sais, moi, je pense que aussi, ça ferait que le monde irait travailler, puis il serait peut-être pas payé, puis il voudrait pas. Ben, le monde serait content qu'il y ait une grève de la STM. Genre, hey, c'est gratis! Je peux prendre le métro. Non, mais je parle les grévistes. Ah, oui. Pour les grévistes, oui. Si toi, tu veux faire une grève demain, rester chez vous, ou faire une grève, puis aller offrir un service gratuit, puis t'es pas payé dans les deux cas, qu'est-ce que tu vas vouloir faire, tu sais? Mais dans les deux cas, Non, mais moi, je te dis, si tu rentres, t'es payé, mais tu laisses les portes tournantes au métro, genre, tu laisses pas le monde pour payer ça, rentrer. Exact, exact. C'est ça qu'il faudrait faire. Normalement, ton employeur ne serait payé, par contre. Faudrait, je sais pas comment ça marche. Il faudrait, là, sinon ça fait pas de sens, là, effectivement. Là. Ah. Mais, ou même s'il l'était pas, qu'il fasse pareil. C'est rien que pour aller faire perdre l'argent. Mais il me semble que, genre, la STM, Post Canada, c'est en grève tout le temps. Oui. Ils sont tout le temps en grève. Hostie, le money, vous avez besoin de combien d'augmentation, là? Ben là, ils vont dire... C'est pas compliqué, les grèves. C'est tout le temps plus d'argent, moins de travail. Oh, ouais. Et tu vas avoir de l'empathie pour eux autres. Puis l'autre côté, genre, du balancier, c'est les hosties de médecins, là. Ah, ben Calice, ça, ouais. Bon, tu sais, moi, pas ces médecins, là. Je suis pas assez à jour dans les fonctionnalités de ce débat-là. Ouais, moi, je suis trop à jour parce que mon père, il gère des organismes gouvernementaux, là, beaucoup dans sa carrière. Pas les médecins, là. Mais il y a des ligues, les médecins, souvent, fait que j'en sais beaucoup, mais j'ai pas le goût d'en parler parce que je vais peut-être dire n'importe quoi, là. Ouais. Mais tu sais, vous avez poche pleine, hostie, là. Arrêtez, là. Présentement, ils sont payés à l'acte. Fuck you, là, de te faire payer à chaque fois que tu fais une radiographie, là. Non. Pas moins que ça marche, là. C'est pas un business, là, les hôpitaux, là. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu dégueulasse, ça, là. Faudrait se faire. Il y a beaucoup de ramifications. Faudrait inviter mon père, s'il prend à parler. On va inviter un médecin. J'en connais. Moi aussi, là. On va inviter des avocats et des médecins. Inviter mon père et Dr. Barrette. Ben oui, on va monter la crédibilité ici. On connaît du monde, nous autres, tabarnak. Pas rien que des paumés comme nous autres là, qui mangent des Doritos, c'est-tu, là. Du monde sont à l'école, là. Des politiciens. Ben ouais. Oh là là. On peut inviter mon père, Barrette puis Paul Arcand. J'ai des contacts partout, moi. Yes. Contacts partout de l'argent nulle part. Donc, comme je dis tout le temps. Oh là là. Mais man, en tant puis moi, tu sais, en tant que qu'entrepreneur, tu sais, comme propriétaire d'entreprise, je subis tout ça de plein fouet. Mais tout le monde à chaque aussi. Fois qu'il se passe. Non, mais moi je travaille pas, je fais pas du télétravail. Non, non, je sais, mais moi, j'ai tout le monde qui a des business dans notre... Puis j'ai des employés qui ont pas des grands salaires, tu sais, c'est pas des grosses jobs là, fait que ils ont pas de char, mes employés. Ah ouais, faut qu'ils ça je te dis, c'est tous ces emplois là. Moi je subis tout ça parce que là le monde ils viennent pas parce qu'il y a pas de transport. Là la grève il lève pas mes colis. Puis là, les gens, ils ont peur d'acheter chez nous parce qu'ils ont peur de pas avoir leur colis. Puis là, il y a les travaux dehors. Ben ça, c'est une autre affaire, mais tu sais, comme ça, je l'ai subi aussi. Tu sais, on subit tout, là. Les travaux, suite, c'est interminable. Tout nous frappe en premier ici, d'un PME, man. C'est... Fait que laisse-moi dire que la compassion j'ai tellement de misère à en avoir, là. J'ai vraiment de la misère avec ça. En tout cas. Donc, pour compléter, toi, t'as gagné tes élections. Moi, j'ai voté pour Gilbert Thibodeau. Ah ouais, finalement, ouais. Ça me ressemble pas en tout, mais je voulais ramener ça à droite un petit peu. Puis en même temps, tu sais, je savais qu'elle allait pas passer, là, c'était sûr. Oh, ouais. Puis le gars, il connaît parfaitement son texte, il connaît parfaitement ses chiffres, c'est exact. Puis il répète tout le temps les mêmes affaires. C'est une cassette, là. Fait que là, le monde sont comme « Ah ouais, c'est ça! Ah ouais, plus de char! Ouais, coupé dans le gras! » Tu sais, c'est juste ça qu'il dit tout le temps. Mais moi, j'ai essayé d'écouter le plus de plateformes possible. Donc, je l'ai écouté à Jer Alain. J'ai écouté tout le monde à Olivier Primo. Il a invité tout le monde. Ouais, ouais. J'ai pas écouté ceux-là de Québec, par contre, mais c'est quand même intéressant. J'écoute la TV, où est-ce qu'il passe. J'essaie vraiment de me soucier. Ouais, il y a été Infoman et tout le monde là, qui se présentait. Sauf lui, là. Il a pas été, ça. Exact. Fait que j'ai tout écouté. Ouais, ouais. Puis, Thibodeau allait pas passer, mais comme je dis, c'est vraiment plus un vote, là, rien que pour ramener ça à droite, mais whatever. Et puis, Rabouin. Il me dit rien, ce gars-là. Il m'énerve. T'sais, mais moi, t'sais, on dira ce qu'on voudra, là, Montréal, les pistes cyclables. D'un, tu n'aurais pas le droit, tu devrais pas avoir le droit de dire quoi que ce soit sur Montréal quand tu n'habites pas à Montréal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense que Valérie Plante a été précurseur dans l'aménagement, l'averdissement de cette ville-là. Oh, ouais. Que le monde dise que c'est de la merde ou non. Moi, j'utilise mon vélo, mon char, et tout. Puis je vis très heureux. Oui, il y a plus de trafic qu'avant, puis certainement qu'il y a des chantiers, puis tout. Mais c'est comme ça, il faut briser des œufs pour faire une omelette. Et puis la ville, présentement, est plus verte qu'elle l'était. Mm-hmm. Et puis c'est plus joli, puis je pense qu'il y a du bon là-dedans. Et puis il l'échappe un peu. Fait que, tu sais, Projet Montréal, je trouve que c'est un bon parti aussi, mais là, je trouvais qu'il l'échappait. Puis Ensemble Montréal, ben là, la nouvelle mairesse, je la connais pas vraiment, mais j'ai aimé ses réponses à Primo, tu sais, qu'elle a donné. C'est tout ce que je sais. Puis j'ai perdu mes élections dans Rosemont parce que j'avais voté pour ses candidates à elle. Puis finalement, c'est Projet Montréal qui passe parce que dans Rosemont, c'est tout le temps Québec solidaire, NPD, toutes les parties les plus à gauche qui passent. Toujours. Même si c'est bleu partout autour, fédéral, provincial, Rosemont, c'est orange. Bon. C'est toujours ça. Bon, hey, on va sortir de la politique pour aller avec Billy Bob Babarou. Si tu veux prendre une bière avec n'importe quel Street Fighter sans que ta vie soit en danger et que tu choisirais pourquoi? N'importe quel bonhomme de Street Fighter? Si tu pouvais prendre une bière avec n'importe qui de Street Fighter sans que ta vie soit en danger, qui que tu choisirais et pourquoi? Et pas Chun-Li parce qu'elle est jolie. Là, s'il vous plaît, quelque chose de plus original. Ah, les bonhommes de Street Fighter. Les voilà! Les voilà. Ken Masters. Abigail, je le connais pas. Il y en a ben trop, là. J'irais pas plonger dans tous les bonhommes, là. Ouais, DJ doit être cool. DJ, oui, pas mal cool. Guile, ça doit être assez plate. Il y en a des jeunes. Vega, le masque d'en face, c'est un peu dull. Blanca, il sait pas parler. Excusez, Dalsim, trop tranquille pour moi. Akuma, trop épeurant. Ryu puis Ken. Ben, Ken, ça serait le fun. Ouais. Ken, c'est un millionnaire, là. Ben, plus à cette heure, parce que dans son story arc, il a perdu tout son argent. Pour être Street Fighter, puis il traîne dans la rue, puis il se cache, puis il est accusé de bien des affaires, apparemment. Donc, moi, ça serait le bon vieux Ken. Et puis, entre Ryu puis Ken, je prenais toujours Ken aussi. J'ai toujours bien aimé Ken. Fait que ça serait avec lui. Là, Ken puis DJ. On parlerait business. Puis DJ, là, pour relaxer un peu, là. Ben, ouais. Terry Bogart est rendu dans Street Fighter. Ah ouais, hein, c'est vrai, j'ai vu ça passer aussi. Terry Bogart. J'aime bien Terry Bogart. Yannick Wissel. Salut les boys. Au lieu de dire bon. Gars, il aurait dû dire boys. Gars. Les boys. Boys. Comme vous, je suis dans la quarantaine et je me demande souvent si nous serons des gamers jusqu'à la fin. Oui. Pensez-vous que ce sera le cas pour notre génération? Si la santé nous le permet, bien sûr. Lâchez pas votre excellent spectacle. Bon, ben, on a déjà répondu à ça. Ouais, puis ceux qui game encore en ce moment à notre âge vont probablement gamer toute leur vie. Là. Ça fait partie de notre mode de vie un peu. Là. C'est dans le, exact. Dans le divertissement qu'on apprécie. Là. Mais moi, je game beaucoup quand même. À tous les jours. T'sais. Moi, je game pas, mais juste parce que c'est mais un tu manque. Voudrais, mais... Je voudrais, mais j'ai un manque de temps et d'énergie en ce moment. Là, mais ouais, parce que ma vie est comme ça là, mais ça va revenir. Là. C'est une phase de genre d'enfant qui est petit là, aussi. Là, de... Ouais, moi aussi, en fait. Et je fais 65 heures de job par semaine et j'ai un enfant à partir de 50% du temps. Fait que ça prend du temps quand même. Là. Exact. Non, mais... Mais oui, si je pouvais, je ne ferais que gamer toute ma vie. Je serais en pyjama, puis je gamerais. Là. Comme le WEG. Exact. Fait qu'on est confiant, Yannick. Je vais m'amener des beaux pantalons mous, là, au WEG. Là. Ah, on va tellement être mous, ça va être fou. Là. Ah ouais. Moi, c'est les mêmes que les 10 dernières années. Là, prépare-toi à les revoir. Là. J'étais assez hâte. Mais beau... c'est clair. Mais ils commençaient à être tout déchirés dans le bas là, à force de traîner à terre. Là. Fait que ma blonde a les autres cousus propres un peu plus court. Là. C'est magnifique. Simon qui dit si Jeff se pend, il pourra plus gamer. Ah ben ouais, mais on. Il n'y a pas de colle assez solide pour toute la lourdeur de mon arme. La belle qualité nous dit félicitations, messieurs, vous venez de gagner 2 semaines toutes dépenses payées dans l'univers d'un jeu vidéo. Quel est votre choix d'escapade? Ben, Yubi, là. Ben, en char, ça sent le gaz, tire du gun. Ah, ouais, d'abord, l'univers de Top Gear. Juste rouler à l'horizon, chars, là, des musiques planantes. Là. Ouais. Ou ben le gâteau dans Bio Miracle, Bucoté ou quoi. Ouais. Tu manges le gros gâteau, puis après, tu manges le gros fromage. Mais sinon, on l'avait déjà dit, là, Dead or Alive, il fallait voir des filles jouer au volleyball. Là, mais, oui. Les réponses faciles. Il y a une série au Xbox qui s'appelle Outlaw. Il y a Outlaw Volleyball, Outlaw Tennis, genre, puis il y en a d'autres. Il y en a une couple de jeux Outlaw de sport. De même, c'est hyper douchebag, là, avec des tatous tribales puis des filles filles à totons. C'est vraiment dégueulasse. Là, fait que ça serait l'univers. Sinon, Outlaw. L'univers de Lady in Wedding. Lady in Wedding, moi, c'est en preux chevalier. Ça serait parfait, comme une pièce de théâtre. Là. Mais sinon, c'était quoi le jeu tantôt avec les deux gars là? Joannicky? Oui. ouais. Nu à rien de. Il y a beaucoup trop de pénis pour moi, Varka. Rien de voler. Ah! Des enfants qui sortent de la tête. Là. les jeux d'Atari, là, fast food, là, avec des burgers partout. Ouais, Burger puis, Time aussi. La là, bouffe. Tout ce qui est à thématique bouffe, on aimerait ça. Tout ce qui est safe là, aussi. Là. Exact. Doyon, qui nous dit quels sont les titres qui excitent Papa Cassette parmi le line-up des jeux physiques annoncés dans le showcase. Alors, à part Present City, bien sûr. Donc, c'était la question que je me suis inspiré pour me dire tabouère, il faut qu'on parle de ça. Ouais. On l'a pas vu. Alors, on a tout parlé de ça au début du spectacle. Il y avait une question tantôt de Mr. Rat Super qui demandait prochaine game canadien, Montembeau ou Dobès, puis ce qu'on pensait des partisans. Ouais. Moi, j'étais un peu en crise hier quand j'ai vu ça, là. Quand ils ont commencé à applaudir quand Montembeau faisait des arrêts. Là. Ouais. Montembeau n'a pas un bon début de saison, puis c'est souvent le cas de Montembeau. Puis c'est pas le meilleur goaler de la ligue. Il a des super bonnes stats. C'est genre, il joue en bonne descente, mettons. Ouais. Mais c'est pas une raison pour l'applaudir là, quand il fait un save. Là. Vous allez juste jouer dans sa tête pour. De la mauvaise façon, là. Oui, pour aucune raison. C'est t'sais. Quoi vous voulez? Chris, le... Il est trop fragile, le lui. Le team joue super bien. Voulez-vous pas commencer à bûcher sur le seul gars qui a de la misère en ce moment, là? Exact. Patrick Roy est capable d'en prendre, ouais, avec mais... les bras dans les airs, là. Exact. Ça, c'est correct, là. Mais exact. Pas Montembeau, mais Montembeau, non, tu sais. Puis moi, je trouve... j'étais surpris qu'il donne pas le filet, pas au dernier match, mais l'autre d'avant. Parce que j'écoute le podcast 60 avec le 60. Okay. Connais-tu ça? Non. C'est sur KO Sport. KO Sport. C'est José Théodore qui jase avec Louis Morissette. Je vois les extraits sur les Reels Facebook. Là. Fait qu'en tant que gardien, il parlait de ça dans leur dernier épisode. Je trouvais ça bien intéressant. J'étais un peu d'accord aussi. Montembeau, c'est pas le temps de le bencher parce que Dobesch est bon, là. Il faut que tu le mettes, faut que tu lui donnes de la glace. Ouais, faut pas que tu le punisses, mais tu peux pas te permettre qu'il soit mauvais 3-4 games en ligne. Par exemple, faut que tu fasses jouer Dobesch. Ouais. Moi, je fais un tiers, deux tiers avec ces deux goalers plus là en ce moment, là, peut-être. Là. Ben, moi, je ferais deux tiers mon temps ouais, en bas. Ouais, c'est ce que je ferais là. Aussi. Là. Mais là, ils l'ont ramené au Centre Bell en fin de semaine. Et puis. C'était hier. Hier, oui, hier. Excuse-moi. Ils l'ont ramené au Centre Bell hier. Puis ils ont perdu. Ils ont perdu en prolongation. En petit barrage. Mais ouais. Ah, c'est pas lui qui a gaulé samedi? Je pense que oui. Ouais. Oui, c'est lui. Ouais, ouais. Ah, c'est ça. Mais bref, fallait le ramener. Fallait rebâtir sa confiance. Confiance. Parce que tu peux pas là, l'asseoir. Puis si tu l'assois trop longtemps, man, tu vas le péter. Là, mais ça joue dans la confiance des gars ben, ça aussi. Oui, là, surtout des gardiens. Ouais, c'est. Exact. Fait que, écoute, oui, là, Dobesch, c'est lui qui va gauler demain, à ce que j'ai vu. Fait que, c'est correct, là, ça fait deux games qu'il fait, il peut bien gauler. Là. Exact. Il est quand même en feu. Là, fait que, faut pas éteindre le feu, mais faut pas asseoir Montembeau. Non. Faut qu'il voit de l'action. Là. Mais tu sais, hier, on perdait 3-0 rapidement en première, puis on est remonté 4-3, puis on a perdu en prolongation. C'est le barrage. C'est un gros point qu'on allait chercher. Oui, on devait pas aller chercher ce point-là. Mais faut pas oublier que le Canadien est techniquement pas supposé être si bon. Je change mon fusil d'épaule, moi, là-dessus, depuis que je les vois jouer. Là. On est prêt. On est très prêt. Très près du but en ce moment. C'est quand la dernière fois dans les années 30 ans qu'on peut dire que le Canadien avait eu un bon power play? Ah ouais, là, c'est extraordinaire. C'est tout feu, tout flamme, man. Les Hudson et Demidov ensemble, c'est quand ça n'a pas de mot à dit bon sens. Caulfield n'a pas d'allure. Ouais. Ces gars-là sont tous signés à long terme. Hey, puis parenthèse, là, le monde qui chie sur Slav, fermez vos yeux, là, ben non, man. Il y a plein de monde qui chie sur Slav, là. Voyeur. Slav, c'est pas Demidov. Ça non. Le sera jamais. Slav, c'est pas ça, en ce moment, il joue du Christ de gros hockey. Il est gros, il fonce dans le tas, il tasse les gars, il gagne ses batailles. C'est ça qu'il faut qu'il fasse, Slav, puis c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait, absolument. Il est parfaitement dans son rôle, puis il est drillé en fonction. Donnez-y sa chance, voyons. Il sera jamais un grand scoreur. Mais non, mais arrêtez de chier sur lui. C'est pas ça, là, sa job. Parce qu'il a été repêché en premier, tu sais. C'est pour ça que le monde chie dessus, là. Ouais. Cyclone dans le chat. Ouais, mais là, les Blue Jays, là, genre, d'un, j'ai de la misère d'en parler, j'ai le cœur brisé. Là. Moi, j'ai tout écouté les games de la saison presque, puis j'ai tout écouté la série. Puis c'est la série des Dodgers contre les Blue Jays, c'est la meilleure série de baseball que j'ai vue de ma vie. Ah ouais. Il n'y a rien qui va battre ça. Puis les gens qui, comme, tu sais, tout le monde, je comprends pas quand t'aimes ça écouter du sport, écouter cette série-là, puis t'es comme, c'est pour ça que t'écoutes du sport. Mm. C'est du drame live, genre. Ouais, Chris, ouais. Quand t'es rendu que c'est genre le batteur contre le frappeur contre le lanceur, c'est du 1 contre 1, il n'y a pas plus de grosse tension que ça. Là. Ah, exact. Mais les Jays se sont fait voler, là, ils n'ont pas été capables de finir la série. Là. Tout ce qui valait mal à la fin a foiré. Là. Ah, je sais. La balle qui pogne en dessous. La balle qui coince, là. L'autre, les trois buts remplis quand c'est 4-4, pas capable de faire rentrer, il y a un retrait, tu rentres pas ton. Qu'est-ce que vous faites, là, genre? Ah, ouais, non, c'est. La fin, là, pète son bâton. Le bâton explose le dernier jeu. T'es comme, calvaire, genre. Deux gars qui se rentrent dedans dans le champ, puis le gars, il pogne la balle quand même. Ouais, ouais. Tout ça me faisait capoter. Mais moi, la fin, c'était comme, oui, tu sais, il disait, c'est David contre Goliath. David a gagné. Ouais. Les Dodgers, c'était pas Goliath, c'était David. Ah ouais. Malgré tout, là, je crois que les Jays ont joué mieux que les Dodgers. Mais en même temps, aussi, t'arrives à la fin, puis. Les Dodgers ont envoyé 1 milliard de salaire au Monticule à la fin. Là. C'est ça le baseball qui me fait chier. C'est ça, c'est l'argent. Moi, c'est ce que j'aille le plus du baseball. C'est cette règle-là de. Ben, il y a un cap salarial, mais si tu le dépasses, tu payes la pénalité et t'es correct. Mais pourquoi tu mets un cap de bord? Exact. T'sais. ça aide pas. Je veux dire, les c'est équipes pas très frais. Riches comme les Yankees, comme les Dodgers, autres, ils se load des teams, puis genre, ils ont aucun respect pour leur fanbase en calice. Mm. Il y a pas de fans des Dodgers, tout le monde est en crise de cette équipe-là. Ouais, je trouve pas. Il y en a, mais il y a pas de fans, il y a pas un fanbase local, tu sais, vraiment intense comme les Jays, là, mettons. Ouais, non, exact. Mais c'est une très bonne série, c'est des très bons matchs de baseball. Guerrero est incroyable, ce joueur-là, ça a pas de sens. Là. Ouais. Le baseball IQ, tout est parfait. C'était fantastique. Mm. Il manquait juste la. On était à deux retraites de gagner la série mondiale, j'en reviens pas. Je sais, j'ai vu ça vous aussi. Là. Pendant ce game-là, pendant une heure et demie chez nous, j'étais dans le sol, j'étais debout, puis je marchais, genre, je faisais le tour, j'étais prêt à m'asseoir, j'étais tellement nerveux. Là, je voulais tellement y voir gagner. Là. Ah, c'était plaisant. Écoute, c'est mon team. Peut-être dans un autre. Mais comme mon père m'a dit dimanche, il dit ah, j'étais un peu déçu, mais puis ça, je me suis dit, tu sais. C'est Toronto. Je fais ouais, mais c'est notre seule équipe de baseball. Il y a un petit peu des expos dans ça à cause de Guerrero. Fait que ça fait mal quand même. On ne peut pas se replier sur une autre équipe de baseball. Il n'y en a pas. C'est vrai. On a une équipe de la NF, de baseball, une équipe de basket au Canada, that's it, là. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Ouais. C'était mon 2 minutes de baseball. Écoute, je suis un grand fan de baseball. C'était très émotif. Tout Guerrero est né à Montréal, ouais, effectivement. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, aussi, si vous voulez écouter du baseball, des histoires de baseball, sur Netflix, il y a Who Killed the Expos. The Montreal Expos. Ouais, c'est super bon. C'est un excellent documentaire d'une heure et demie environ sur comment ça s'est passé, la création des Expos jusqu'à la disparition des Expos. Ouais, puis ça focus beaucoup sur le bout. Est-ce que Jeffrey Loria est arrivé, a pris exact. Le contrôle. Les échanges de nouveaux propriétaires, puis tout ça, puis la marde, puis l'argent, puis le gouvernement, puis tout ça. Puis ils vont voir des anciens Expos. Ils vont même voir Minnick. Ah ouais, bon vieux Ménic. Ménic. Alors, on est maintenant dans Facebook. On y va avec Nick Lachapelle, le gars de la balle, le gars de baseball. Après l'élection des nouveaux conseillers municipaux dans l'arrondissement, est-ce que Dom va reprendre son sujet chaud, les vidanges? Non, on n'a plus de problème de vidanges ici chez Retro MTL parce qu'on les garde en dedans. Donc, maintenant qu'on a le rez-de-chaussée, avant, on avait juste le deuxième étage, fait qu'on ne pouvait pas garder nos bacs en dedans. Mais là, maintenant, on a de la place en bas, on garde tous nos bacs de poubelle et recyclage à l'intérieur et je les sors quand c'est le temps. Et puis, c'est tout. Ainsi, on se fait plus voler nos routes bacs, bon. On se fait plus remplir notre bac de merde, on se fait plus comme... Il apparaît pas plein d'autres bacs, tu sais, comme il n'y a plus rien, plus de problème. Là. Fait que ça, je suis bien content. Et puis, pour ce qui est des poubelles dans Rosemont, ça va très, très bien dans Rosemont. Oh. Mais là, les gens d'Hochelaga étaient contents d'avoir un nouveau maire d'arrondissement parce que là, j'imagine, les vidanges vont recommencer à passer à toutes les semaines, ce qui était un grand enjeu, ça, ici. Alors, je pense pas que ça va changer. Fuck all, parce que ici dans Hochelaga, il y a des hosties de vidanges partout et tout le temps. JC Goyette. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. De nos jours, nous avons des films de Sonic, une série télé de Fallout, des romans Halo et des BD d'Assassin's Creed. Les adaptations sont partout. Quelle adaptation aimeriez-vous voir de votre vivant? Si ça peut vous faire découvrir et apprécier une franchise plus facilement, continuez votre bon travail. Merci, bonne soirée. Ben, Billy, à toutes les fois. Kid Nicky. Kid Nicky. Kid Nicky, Dino Ricky et Kid Nicky. McKids. un gros film de McKids. Power Blade. Là, tout peut se faire en film. C'est à peu difficile. Près, très difficile. Ah, ouais. Ben là, il y a eu une série Castlevania qui était excellente aussi. Moi, j'ai bien aimé ça. Megaman, on dirait que... Il y en a eu des affaires Megaman, mais on dirait que ça a tout le temps de l'air plate. Ça m'intéresse pas, me semble, d'écouter Megaman en série non, télé. Je sais pas pourquoi ça m'intéresse pas. Je veux jouer, mais je veux pas le boire. Non, exact. Ça c'est nœud. Sinon, des grosses séries. Ben, Uncharted, il y a déjà un film. Ces séries-là, les enfants plus récents. Tomb Raider, il y a un film. Il y a un film d'Uncharted. Ouais, c'est pas le gars qui fait Spider-Man, Tom Holland, qui. Je sais pas. Qui fait Nathan Drake. Mais non, c'est Mark Wahlberg. Je me lâche. Tabarnak. Ça, c'est Mark Wahlberg, puis lui, là. Ça a pas levé bien. Bon, j'ai pas vu. The Last of Us, c'est excellent. J'ai pas vu non plus. Mais je joue pas assez des affaires, tu sais. Comme... Non, mais faut que t'ailles plus niché, des jeux weird, genre de R-Type, justement, en série. Des schmops. Des films de schmops, tu sais, des affaires. Des Brick Breakers, là, tu sais. Brick Breakers. Faudrait que je parte mon TikTok de schmop à un moment donné, pour vrai, là. Ah oui, ton tic schmop. Le tic schmop. Ton schmuck. Tic schmuck. Tic schmop. On nous demande, Olimel, les viandes nous demandent, parlant de Megaman, pensez-vous qu'il serait intéressant à avoir un nouveau Megaman en 3D? Ouais, d'ailleurs, ah non, je me mélange, c'est 2000XX qui va sortir bientôt en physique chez RetroMTL. Mais oui, un nouveau Megaman 3D, ben j'ai jamais joué à Legion. Ah, moi non plus. Mais ils ont comme abandonné ça, alors... Pour moi, Megaman, c'est un... C'est... Moi, c'est 2D, j'en demande pas tant. Ouais. Mais pourquoi pas? Mais rendu là. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que Capcom veut pas faire d'argent avec ça? De toute façon, on le sait pas. En tout cas. Ouais, Capcom, let's go. Let's go. Fait qu'on répond pas vraiment à la question, mais Blaster Master. Il y a plein d'affaires là-dedans. Tu tombes dans un trou, tu perds ta grenouille, tu trouves un Jeep, tu vas sur des planètes. Puis la série Blaster Master Zero, là, ça va bien loin, ça fait bien des affaires. Il y a un story arc, il y a d'autres personnages. Donc, mais j'aime moins un peu tout ce qui est sci-fi, là, mais tu sais, de quoi être bien ficelé avec la musique et tout. Là. Ben oui. Ça serait ça. Rendu là, ben oui. Sébastien Trottier, quel est votre boss préféré dans l'univers des jeux vidéo que vous aimez affronter? S'il est présent dans plusieurs jeux, avez-vous une version que vous aimez le plus? Des boss répétitifs. T'sais, j'ai tué Dracula sous plusieurs fois. Ouais, j'ai tué, mais j'ai... Mais j'aime jamais vraiment ça. Je trouve tout le temps ça un peu plate, peu importe lequel Dracula, en fait. Tu sais, c'est comme Bowser, Ganon, c'est des boss qui reviennent parce qu'on les a joués dans plein de séries de jeux, là. Ouais. Les boss préférés. C'est rare que je comme yes, genre yes, un boss. Ce boss préféré que je vais péter maintenant que je sais comment faire. J'imagine que ceux-là que tu sais vraiment comment les péter comme il faut. Ah, toutes les boss dans Cuphead sont le fun à cause de l'évolution du boss quand tu le bats. Il y a des étapes, ça, c'est cool. Là. C'est vrai. Une bonne réponse. Voilà. On y va avec ça. Simon Parenteau, salut les gars. Good. Jeff, je me demandais si tu avais fini Astrobot à 100% finalement. Non. Et trouves-tu que c'est ton meilleur platformer 3D? Pour ma part, oui. Quel jeu? Mon petit garçon a dit qu'il y a du DLC qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ah, ça se peut. Chose, ils ont rajouté du gréement. Ça se peut. Fait que si tu y retournes, tu devrais avoir des nouveaux niveaux à faire. Mais non, je ne l'avais pas fini à 100%. Je suis rendu loin puis j'ai juste arrêté parce que je manquais de temps. Puis j'ai oublié que je jouais à ça. Là. J'ai oublié que j'avais ça chez nous à jouer aussi. Là. Ouais. Mais non, ouais, c'est dans les meilleurs platformers pour vrai 3D. Là. C'est dans les tops. Ouais, c'est vraiment magnifique. Et toi, Dom, je serais curieux de savoir top 3 de Zelda. Je me souviens que tu avais beaucoup apprécié Between Worlds à Retro Nouveau et tu m'avais donné envie de l'acheter et c'est encore mon meilleur Zelda à ce jour. Wow. Donc, merci pour cette belle découverte. En effet... La ligne Between Worlds, c'est toi qui m'avais dit de le jouer aussi puis j'avais trouvé excellent. Là. Exact. Je l'avais pas fait dans le temps. Ça, la fin que j'aime un peu moins de la ligne Between Worlds qui est sur 3DS, c'est que les armes, tu les loues, genre, tu payes pour les armes. Ah oui, c'est vrai, là, ouais. Puis, c'était nouveau, puis c'était unique. Puis, mais j'aimais un petit peu moins ça, mais pour ça, j'avais adoré cette Zelda-là. Zelda, ben, A Link to the Past, là, bien sûr. Moi, j'aime pas les Zelda 3D, là, j'en ai jamais fait. Ouais, ouais. J'en ai jamais fait. Là. J'en ai essayé une coupe, Ocarina, Twilight, tu sais. Puis, j'ai avancé un peu là-dedans, puis j'ai abandonné très vite. J'aimais pas ça. Tu sais, ceux-là, au NES. Ouais. J'ai obligé de dire qu'Adventure of Link, j'ai quand même pas mal joué à ça. T'sais, pour moi, ça a une valeur sentimentale. Les Oracles au Game Boy Color, sont Minish Cap. Je l'ai jamais fini Minish Cap. Mais le remake de Link's Awakening sur Game Boy. Il était bon. Sur Switch. Là. Il était bon, ça. Là, ouais, le remake du jeu Game Boy sur Switch, ouais. Link's Awakening, j'ai bien aimé ça. Ouais, c'était super bon, ça. Echoes of Wisdom, j'ai pas bien aimé ça. Je trouve ça un peu plate. Tu n'as pas joué à Breath of the Wild, tu n'as pas joué à Pleurage du Royaume. Là. Non, au Pleurage. Les larmes du Royaume. Non, j'ai pas joué à ça. Je l'ai essayé, mais bien sûr, ça m'intéresse pas, c'est trop grand. Quel autre Zelda qui existe? Ocarina of Time, tu l'as... Je n'ai pas joué. C'est Sonic 4, donc plein d'affaires que tu n'aimes pas. Des jeux 3D, Sonic 4. Exactement. Quel autre console? Wind Waker, jamais joué. Moi, je l'ai classé très haut, par exemple, celui de Sonic 4. Ouais, ben sûrement, là, c'est ton enfance. Ben, pour la nostalgie, je sais pas si je rejoue. Toi aussi, tu peux faire ton top 3 en passant. Là. J'y pensais, justement. Là. Sur Phantom Hourglass, man, j'avais vraiment aimé ça aussi. Il y en a beaucoup que j'ai pas joué, par contre. Là. C'est ça l'affaire, là. Ouais. Moi aussi, il y en a plein que j'ai pas fait. Mais 3-2-1, mettons. Lui, tu sens les 4. Ocarina of Time. Après ça, l'autre qu'on vient de mentionner, là, Link Between Worlds. Puis le premier, je vais dire Breath of the Wild. Ah ouais, hein? Grosse aventure. J'ai quand même sinké 85-90 heures là-dedans, ce que je fais jamais, fait que oui. Excellent. Très bon. Moi, c'est Link. Mais c'est tout très bon, je trouve, Zelda. C'est rarement pas bon comme. Ben oui, absolument. Il n'y a pas de mauvais Zelda. Moi, ça va être en premier Link to the Past. En deuxième, à Link Between Worlds. C'est un peu la même affaire. C'est plate. Puis en troisième, j'ai eu beaucoup de plaisir à Phantom Hourglass. Fait que je vais le mettre là-dedans parce qu'il ressort un peu. Puis si on se rend jusqu'à 5, Adventure of Link en 5, parce que j'aime quand même beaucoup ça. Et puis Oracle of Seasons, bon, en 4. Pat Larrault, choisissez votre question. A, chez RetroMTL, comment vous faites pour fixer vos valeurs de rachat? JF, y a-t-il un move que tu as toujours refusé de te faire faire lorsque tu luttais, car trop dangereux ou trop craintif? Bonne question. Pour la valeur de rachat chez RetroMTL, c'est basé d'un à la base sur price charting et c'est basé aussi sur on a un outil de rachat puis on va en avoir un meilleur quand on va réussir à mettre les pattes là-dedans. Ouais, ça s'en vient là. Oui, parce qu'on travaille sur un outil de rachat que, qui est sur pause là, parce qu'on lançait notre site web. Mais là, on avait un programmeur pour ça, mais là maintenant que tu es là, on veut le rapatrier puis te le donner. Puis maintenant que le site web est fini, on veut vraiment plancher là-dessus. C'est notre prochain gros projet. Et puis... Ouais, c'est pas la job qui manque de mon côté aussi pour vos affaires. C'est bien. C'est le fun. Exact. Mais on se fie à nos stocks. On se fie à l'état. On se fie à si... l'état, c'est bien important, là. Comme des boîtes scrap, ouais, il manque des livrets, ça sent la cigarette. Non, mais oui. Oui, j'imagine. Là, tout c'est, ça, c'est tout ça enlève de la valeur. Là, alors, c'est ça. Y a-tu de quoi faire? Quelque chose qui sent la cigarette? Ah, pas bien, bien. Non, dire, un carton, là. Ça imprègne. Un Windex, là, ça enlève un peu. Vouloir être patient, tu mènes, t'enfermes ça avec une feuille de bounce, là, des affaires de même. Mais le temps arrange les choses un peu. Là. Mais c'est sûr que si tu te mets la cassette d'en face, tu peux sentir un petit fond de sec. De clop. De clop. Le petit fond d'exporter. Bon. Fait que c'est ça. Mais donc, ouais, on se base sur ces facteurs-là, puis on donne un pourcentage. Puis ce pourcentage plus élevé pour les affaires qu'on a de besoin, puis qu'on aime, ouais. Et qui sont populaires. Et pourcentage plus bas pour les affaires qu'on a en over et qui valent rien sur le marché, telles que tout ce qui est du Xbox, ouais. Et PlayStation 3, parce qu'on en a en énorme quantité. Le filler, tu sais, les Uncharted, ça finit plus. Des Wii Sports, man. Tu sais, Wii Sports sur Price Chart, c'est quoi? 45$, 50$, puis on les vend ce prix-là. Mais on en a tellement ici. Oui. On en a, là, des Wii Sports. Wii Play. Je peux pas t'offrir, tu sais, 50% de la valeur d'un Wii Sports, là, tu sais. Puis la sleeve est tout le temps toute déchirée, de toute façon, parce que c'est un collant qui fermait ça. Ah, ouais, ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, on en a, là, tu sais. Moi, ça vaut rien pour moi, ici. Fait que, des fois, c'est pour ça qu'il y a une discordance aussi. Tu dis, hey, là. Mes affaires valent 500$ sur Price Charting. Tu me donnes 112. Genre. Ouais, mais c'est comme, regarde, c'est des jeux de 360, c'est du filler dont on a beaucoup. Ton Wii Sport, on en a plein. Ta console n'a pas de manette. Ton Super NES est jauni. Tu sais, tout ça, ça impacte. Là. Fait qu'il faut qu'on en tenir compte. Je vais te poser une question, mais t'as posé hors donc. OK. Puis Cyclone dans le chat, les rachats de jeux, c'est pas évident avec les variations, la contrefaçon, l'état général. Est-ce que tous les employés peuvent faire peuvent le faire et ceux qui le font donnent souvent pratiquement le même prix. En fait, ici, tu peux ne rien connaître des jeux vidéo et être capable de refaire du rachat ici en bas. Là. C'est sûr, bon, là, tu prends l'habitude. Là, oui, mais, oui. Le but de notre système et avec ce qu'on développe, ce qui s'en vient, c'est que ça soit parfait, que n'importe qui est juste capable de faire ça et ça... Mais je vais te poser ma question. Ton but à la fin, c'est-tu que ça soit accessible sur le net pour que le monde puisse évaluer leur collection de vos affaires ou tu veux le prendre en magasin ça, tout le temps? C'est de la business qu'on va se parler hors d'onde? C'est pas quelque chose qu'on songeait à rendre public. Là. Pas comme Price Charting font, mettons, eux autres, c'est rendu comme la référence. C'est pas ça le but de le faire publiquement, genre? Ben, je veux dire, on pourrait essayer de faire... On n'est pas là, en tout cas. On pourrait essayer de faire un price charting québécois, là, puis je pense qu'on a assez de données de vente ici pour être capable ça pourrait être un beau projet sur le site. Mais ce qu'il faudrait, ça serait... Price chart MTL. Ouais, non, mais ce qu'il faudrait, ce serait que toutes les boutiques au Québec de jeux vidéo qui ont un site web envoient toutes leurs données de vente dans un hub. Ça et le ça. Hub est capable de calculer... aujourd'hui, au Québec, il s'est vendu 50 Mario Kart sur Wii. Il y en a un qui s'est vendu 10$, il y en a un qui s'est vendu 50$, il y en a un qui s'est vendu 7$. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que les autres compagnies voudraient participer à, genre? Je pense que ça serait un excellent projet pour que toutes les boutiques de jeux vidéo offrent un pricing qui fait du sens. Par contre, tout le monde aurait peur faudrait pas que ça soit hébergé chez Retro MTL. Faudrait que ça soit une compagnie séparée où est-ce que l'info reste confidentielle pour pas qu'on sache les ventes de tout le monde. Mais en même temps, on se retrouverait avec les mêmes problèmes que de price charting aussi un peu. Mais tu sais, moi, mettons, je vends des jeux partout au Québec via mon site web aussi. Fait que tu sais, si, mettons, il y a une boutique à Rimouski, puis il y en a une, si lui et son PS3, il le rachète plus cher que nous autres à Montréal, parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de monde, puis on est complètement enseveli, tu sais, ça peut... On n'a pas la même donnée, tu sais, lui, il en manque peut-être, nous autres, on en a beaucoup. Fait que tu sais, c'est pour ça, des fois, mettons, on fait des échanges avec la boutique Flip à Québec, où est-ce qu'eux autres, ils ont beaucoup de hardware... Puis, nous, on en manque tout le temps, tu sais. Fait que là, dernière fois, on leur a échangé un Little Samson contre plein de consoles, plein de manettes, tu sais. On avait besoin de ça. Fait que les besoins des boutiques sont pas tous les mêmes non plus. Mais en tout cas, à tout le moins, les acheteurs partout au Québec, ils achètent en ligne, ils achètent dans toutes ces boutiques-là. Fait que on pourrait avoir une donnée. Parce que d'avoir un hub et d'ouvrir un genre d'un endpoint, qu'on appelle, pour que les compagnies puissent aller pousser leur data de vente dedans, ça se fait facilement, ça, là. Sûrement. Très facile, ça. Fait que ça serait un price charting québécois des ventes de jeux, là. On va faire le RZO du price chart québécois. Exact. Ah, ça se fait, là. Mais oui, c'est ça qu'on regarde, là. Mais pour ce qui est de l'évaluation par les clients, il y a eStarland, qui est une boutique assez grosse, là, basée à Vegas, là, je pense, qui offre ça sur leur site web. Puis on l'a essayé, puis c'est un peu tout croche, tu sais. Puis eux autres, même en magasin, tu fais toi-même ton évaluation avec le scanner, tu rentres les affaires dans l'ordinateur, tu payes sur Python, puis là, ils sortent un papier, j'imagine, puis là, tu vas au comptoir. Puis là, il y a quand même une vérification humaine qui doit se faire, là. Hey, là, sur ton papier, ça dit Mario Kart, mais là, je regarde ton affaire. J'aurais dû y aller toute quand la pochette est déchirée, fait que, tu sais, pour moi, ce boîtier-là, qui a une valeur, ne compte pas, donc c'est devenu un jeu loose. Tu sais, faut checker, ça prend quand même des humains. Tu peux pas faire confiance 100% aux clients, là, là-dessus. Tu peux pas avoir un convoyeur qui roule des jeux. Donc, il y a de quoi réfléchir, mais non, si on développe ça, ben on va développer ça, mais c'est pas. Non, il y a des affaires qu'on développe. On va le garder in-house. C'est pas pour être public là. Peut-être que dans une couple d'années, on va voir où on s'en va, là. Mais là, tu vois, moi, je trouvais. Ouais. Non, ça, on en parlera une autre fois. Non, on est là, c'est parce qu'on travaille ensemble, fait que là, on veut pas se dire les affaires, là, en live. Là. C'est ça. Mais oui, donc les employés sont supposés être capables. Ben, ils le font. Là. Les employés, la fin de semaine ici, ils dépensent des milliers de dollars là, sans nous écrire quoi que ce soit. Là. Ils font leur job et puis on arrive lundi, les bacs sont pleins de stock, on monte ça en haut puis on processe. Ouais, ouais. Ça roule comme ça. Puis c'est de même, il faut que ça marche. Toi, JF, un move que tu voulais pas te faire faire? J'essaie de penser puis non. Dans ma carrière de lutteur, quand je faisais du backyard, j'ai lutté un peu backyard, genre j'avais 15 ans, genre 97. Puis j'ai arrêté vite parce que là j'avais la chienne parce que le monde t'a pas entraîné puis je me suis carrément blessé là, puis tout là, fait que j'ai fait j'aime votre gang, m'a venu être arbitre. Fait que j'étais arbitre backyard. Maintenant, j'étais allé au cégep, j'ai arrêté. Puis là eux ils ont commencé à faire la vraie fédération ce qu'on luttait, puis ils m'ont appelé comme hey, il manque un arbitre, veux-tu venir? Puis là je suis revenu arbitre. Mais là, j'ai commencé à m'entraîner comme lutteur pendant que j'étais arbitre. Puis j'étais un arbitre heel moi, fait que le monde m'aimait pas genre, puis je m'assinais avec les lutteurs, puis le monde. Fait qu'à chaque fin de match, je me faisais faire le move de finish du lutteur qui venait de gagner ou de perdre, whatever. OK. Puis je me pratiquais. Puis c'est moi qui mangeais les moves que personne ne voulait manger dans le match. Genre, fait très intense, là. OK. Puis là, je me pratiquais. Après, en fait, comme là, c'est assez, là. Faudrait que tu luttes, là. Entraîne-toi plus, puis lutte. Fait que non, il n'y a rien que j'ai refusé. Un marteau pilon, là. Ouais, Dave en a fait beaucoup. Dangereux, ça, non? Oui, ben, des vertebreakers. Genre, une affaire que tu pognes le gars. Je sais même pas quand l'expliquer, tu te penches. Dos à dos, puis tu le lèves, tu fais tomber le gars sa tête en arrière, genre sa nuque, là. Ah ouais. Dangereux, encore. Lisse ça, là. Moi, je l'ai vraiment, là. Je pliais tout croche, genre, puis genre, le monde s'en foutait, là. Ben, t'étais jeune, t'étais capable de plier. Ouais, là, ouais. Mais ouais. Pile driver, je me rappelle que Dave m'en a déjà fait un genre de pedigree pile driver, puis on a entendu tong, puis genre, ma tête a frappé le tross de métal en dessous, là. Ah, man. Mais j'allais pas dans le hardcore, mais on en faisait pas tant. Mais en même temps, c'est moi le seul dans ma fédération qui a fait un match de barbelé, m'amener, là. Fait que c'est. Il n'y a pas grand chose que je voulais pas. Là. Ouais. Mais les néons, là, j'étais comme non. Là, j'ai déjà fait backer. Puis OK, c'est assez. Là. Ouais. Une fois, puis c'est tout. Là, ouais, puis ça dégage du gaz, ça. Là, dégage là, du gaz. Ça, je me suis coupé à deux, trois places ses bras. J'avais des cicatrices ses bras. Mais non, asti. Ouais. Ah, j'ai un ami. Ah, cœur sensible, vous vous abstenez. Là, mais j'ai un ami qui se battait backer. On était cave. On a fait un genre Ultra Violent Massacre, ça s'appelle. C'était juste des matchs hardcore. Coup de néon, le gars, dans le dos de son frère. Mais ici, genre, ça a frappé son tricep. Mais il a fait « ow! » comme ça en forçant. Ça, le tricep a ouvert, là. Donc là, cette vidéo, genre, il est ouvert dedans. Il y a eu comme 80 points de suture interne. On était comme, c'est stupide, ça, là. C'est là que moi, je vais te dire, non, wow, là. Genre, le hardcore, quand même, c'est très, très câble, là. On va se calmer les nerfs, là. Ah, ouais, man. Suite après lui, j'avais un match que je me battais dans des ampoules. C'était stupide. C'était honte de câble. Pas parce qu'un gars s'ouvre le triceps qu'on va arrêter notre match d'ampoule, guys. Ouais, non. Il y a eu pire que ça après, là. C'était épouvantable, ce show-là, là. D'un piranha. Non, mais dans Dave, dans une bouteille de bière pétée, là. Puis c'est tout défait le dos. C'est dégueulasse, là. On était câble. On écoutait, genre, de la CZW. Ouais, les ampoules, d'autres choses. J'ai tout en tape, ça, chez nous, affaires-là. Quelqu'un m'a mis un chandail avec des ampoules dans le dos, il me frappait avec des chaises. C'était le fun. On était dans l'époque de la ICW, dans l'époque de la CZW. On écoutait des tapes du Japon. C'était Jackass. C'était comme le shitstorm de genre. On se pète la gueule, genre. Puis c'est comme ça qu'on s'est démarqué aussi, par exemple. Là. Ouais. Mais ça, voilà. Fait que non, j'ai jamais vraiment refusé de move. Un vrai héros. Non. Genre, c'était calme. J'étais très chanceux pour avoir de blessure ou d'être correct en ce moment. Là. Moi, j'ai rien, là. Ça va, là. Ah ben, en même temps, peut-être t'as des séquelles, je sais pas, là. Je dis ça. Quand j'ai arrêté de lutter, je suis allé voir le chiro, puis il a pris des radios, puis il a dit « t'as une vertèbre dans le cou qui sort un peu, faut voir la rentrée, là ». Fait que oui, j'avais des séquelles de ça, là, peut-être, là. Fait que les moves, tu croches à la nuque, c'est ce que ça a donné, là. Rentrée et vertèbre. Ça a pris 3-4 fois avant que ça marche, là, puis ça, c'était très douloureux. Donc voilà, un rough and tough, ouais. Le prof bof. Pas l'air de le prof, c'est le prof bof, ça? Non, c'est ça, je me demande. Un rough and tough. J'ai pas l'air de ça, je suis d'en prendre. Cyclone dans le chat qui revient aussi sur l'état des jeux. L'état d'un CD d'un jeu influence-t-il la valeur d'un jeu? Un CD sans égratigneux versus un très beau, même si le jeu fonctionne bien sur les deux CD. Pour être franc, on regarde vite fait l'état des disques, mais c'est sûr, c'est un jeu à 500$, tu sais, là, on va regarder comme il faut. Puis, mais on n'a pas le temps, là, de. T'sais. Puis le resurfaçage, ça doit... Ça répare tout. En très grande partie. Fait que non, on balde pas avec ça. Là. Bon. Mais bon, quand c'est deep, deep, deep scratch, dans la. Tu sais, des fois, le monde nous amène. Laisser des pétards de vidange, okay. Quasiment. Là, le monde, il nous vide le vidange direct sur le bureau. T'sais. Fait que ça sent la cigarette, tu sais, scratch, puis tout. Tu là. C'est une vue d'ensemble. Ouais, si tous les disques sont scratch, on va dire check ton lot, là, ça serait 400, mettons, mais là, il y a tellement de scratch. Ça coûte quelque chose de resurfacer des disques en passant. Ces machines-là, ils coûtent maintenant 10 000$ chacune, mais là, nous autres, on les a achetées à 6 000$ à l'époque. Et puis, il faut les entretenir, il faut acheter du compound, il faut acheter des pads. Ouais, ça, je me demandais qu'est-ce que puis ça prend un humain. Ça coûte quelque chose de resurfacer des disques. Fait que, tous vos rachats coûtent. Du temps humain, là, anyway, là. Fait que c'est ça, là. Fait exact. Que, c'est, comme tu dis, si t'as des affaires qui sentent la clope qui sont tout pétées, ben, le temps que tu vas investir à le réparer pour le rendre semi-vendable, souvent, il vaut pas la peine, là. Exact. Puis des fois, il marchera pas. Il va être super beau, puis finalement, il marchera pas. Ah. On rembourse le client, là. On en a ben trop, on peut pas gérer ça, là. On peut pas tester la totalité de tous les jeux, là, tu sais, à disque. Sinon, Galgator dit, êtes-vous capable de resurfacer des CD de Wii U? Oui, des Blu-ray, en fait, sur Wii U et PS3 et jeux plus récents, des Blu-ray. On peut les resurfacer, mais il faut changer les pads dans la machine, mais c'est tout le temps super. Les Blu-ray, par exemple, ça se graphine-tu moins que les CD? Oui, ouais, vraiment. C'est rare qu'on voit ça, Magané. Alex Neveu, monseigneur. Top 5 des questions du top 5 de Monsieur de la Balmolle. C'est une blague, c'est une drôle de blague. On les connaît pas par cœur. Il demandera au prochain WEG. Simon Lahaye, quelle est ton expérience du module de synthèse vocale pour la télévision, le IntelliVoice? On a tout fait, ça me passait dessus. Ben, on l'a nommé, je pense. On a parlé d'IntelliVision Sprint, là. Il y a un des jeux qui prenait ça. Ouais, ben, il y a un jeu Bomber qui machin que. Ouais. Ben, le vrai, il marche avec IntelliVoice, il parle. C'est un module qui fait des voix quand tu parles de certains jeux. Mais je n'avais pas quand j'étais jeune, mes parents n'avaient pas ça. Alors, puis je joue pas assez dans la télévision aujourd'hui, tu sais, pour vivre cette expérience de fou. Ça m'en prendrait un à maison, pareil. J'en ai même pas. Des télévisions? Un module. Ah, un module, ouais. J'ai une télévision, mais j'ai pas de module. On en a ici, là, de temps en temps. Chris, la prochaine qui passe, je me le garde. Simon Lévesque. Salut les gars. C'est Simon des cadeaux, là, d'aujourd'hui. Bravo pour votre. Bravo pour votre beau programme. C'est quoi le dernier bon livre que vous avez lu? De mon côté, j'ai redécouvert la lecture pendant la pandémie. À force d'avoir un écran en face à longueur de journée, je trouve que les livres font du bien au mental. Pareil que l'exercice physique aussi, mais je suis pas ce genre-là. Mon dernier coup de cœur. Il y a beaucoup de textes. Dungeon Crawler, Cal de Matt. Dungeon Crawler, Carl. Okay. Matt Denneman, Carl, je comprends pas. Après une soirée à boire la bière et à jouer à PUG, P-U-B-G, sort en bobette pour aller récupérer le chat de son ex grimpé dans un arbre. PUBG. Il est alors subitement propulsé dans un donjon géant pendant que l'humanité se transforme en un cruel spectacle interne. Wow, OK. DCC pour les intimes est la série phare d'un nouveau courant littéraire nommé Lit RPG pour Literary Role Playing Game. Ah, ouais. Literary Role Playing Game littéraire. Un genre de fiction où l'histoire s'amalgame à des mécaniques de jeu, niveau, quête, statistiques, compétences, bref. C'est livre dont vous êtes le héros, genre? Ben, peut-être. Il y en avait qui avaient ça, en effet. Ça, c'est le fun, dans le temps. Bref, le truc le plus intensément nerd auquel je me suis frotté, hormis certaines dates que j'ai eues chez Arcade MTL. Joke de mon oncle, haha. Divertissant en tabarnak à lire si possible dans sa version originale anglaise parce que la traduction, ouf, c'est franchouillard anti-pépère. Désolé, c'est un peu long, mais je vous écris pas souvent, ça compense. Fait que c'est ça. Tourlou, PS, je ne pratique pas réellement le frotteurisme dans les bars. C'était juste une joke. J'ai une femme puis des enfants, je les aime puis toutes. Autre parenthèse, sauf une fois au chalet en jouant à Dr. Mario. Alors, c'est très drôle. Donc là, ce qu'il nous dit pour bien comprendre, Dungeon Crawler Carl de Matt Denneman, c'est un livre. Et puis, Carl est un personnage qui, après une soirée boire de la bière, il arrive ce qui arrive. Donc ça, c'est un livre de role-playing littéraire. Donc c'est un genre qu'il a découvert et puis il nous nomme ce livre-là. Alors, c'est ce que je comprends de cela. Dungeon Crawler Carl... OK. Hey, ça va, là? OK. Fait que... C'est une série de livres. C'est une série de livres. Okay. Carl's Doom Day Scenario, Dungeon Crawler Carl, The Dungeon Anarchist. C'est tout le temps Carl, en fait. Carl qui se retrouve dans des situations pas possibles. Ah ouais. Ah, pas toujours Carl, non. Mais on reconnaît les livres. Matt, ouais, ouais. OK, ouais, ça a l'air bien... Ouais, mais ça, c'est Matt, c'est l'auteur. Matt Denneman, c'est l'auteur, en effet. Matt Denneman. Matt Denneman, OK. Alors, très intéressant. Merci pour le partage. Cédric Fischer, en France, la culture du jeu vidéo est différente qu'en Amérique du Nord. Dès qu'on associe l'argent avec la collection de jeux vidéo en disant qu'on achète pour revendre, on est catalogué comme quelqu'un ne faisant pas ça par passion. Okay. C'est inhérent à ce domaine, mais aussi culturel, car c'est mal vu en France de parler d'argent. Au Québec, c'est largement moins le cas, même si on le voit un peu dans certains endroits. Je pense me douter de l'avis de Dom, ça reste le fond de sa business, mais est-ce que vous pensez que c'est une façon d'appréhender... une collection qui peut être nocive avec le temps? Ou au contraire, l'achat est récente, en fait partie? Je comprends pas. Est-ce que vous pensez que c'est une façon d'appréhender une collection qui peut être nocive avec le temps? D'acheter pour comme dans le but de revendre? Ouais. Ou au contraire, l'achat est récente en fait partie. Ben, ah, je pense qu'il veut dire l'achat et revente en fait partie. Ah. Ben, j'imagine que tu le sais, là, toutes les fois qu'on fait un show, tu parles des jeux que tu achètes et des jeux que tu as revendus que tu jouais pas. Là, fait que ben, oui. Je pense que de revendre des parties de sa collection, des items de sa collection, de rouler sa collection pour l'améliorer tout le temps. Tu peux pas juste acheter puis jamais revendre quand tu collectionnes beaucoup, je pense. Depuis jeux vidéo. 15 ans qu'on fait le podcast, qu'on parle des sites de revendeurs sales, genre. Fait que c'est ça qui veut dire aussi le monde qui achète pour seulement revendre, je pense. Ouais. Il y en a beaucoup, tu sais. Mais puis, tu sais, moi, j'ai bien gros changé par rapport à ça. Mais encore lisse. Allez, moi, avec, à une certaine époque, j'étais genre un collectionneur, comme qui brillait devant Dieu, et puis c'est les jeux vidéo, c'est le Holy Grail, et puis il faut pas salir ça. Ceux qui font ça, c'est des crottés. Et puis, tu sais, mais ça pas rapport, man, on s'en sacre. Il y en a qui font ça, puis c'est la vie. Puis mais c'est vrai que c'est comme c'est le même qui l'apprécie. Fais ce que tu veux, tu vas sur Marketplace, si tu rachètes, tu vends, tu fais ça en ligne, whatever, tu sais, moi... Au final, si les jeux vidéo sont populaires, tant mieux. C'est tout ce que je demande. Ça met du pain sur la table. Exactement. Et du beurre sur le pain. Du beurre sur le pain. Donc, non, moi, j'ai pas cette vision, ou du moins, je n'ai plus cette vision-là utopique ou complètement trop intense là, par rapport aux méchants revendeurs. Ouais. Fait que, puis la business ici, tu sais, là, il me parle de ça, Cédric, parce que j'ai fait une publication sur RetroMTL où est-ce que je montrais trois gros... Little Samson... les Flintstones et puis trois jeux au-dessus de 1000$, là, tu sais. Puis là, il y a eu une flambée de commentaires négatifs, bien sûr, parce que dès qu'on monte des jeux chers, le monde sont comme « tabarnak ». Puis là, à un moment donné, la France est débarquée. Ah, oh, mon Dieu! Une journée plus tard, là, il y a eu plein de Français qui... Je les reconnais avec les avatars, avec leur nom, avec la façon qu'ils écrivent. Oh, ouais. C'est sûr que c'est ça. Je n'ai pas eu une coupe aussi sur nos affaires TikTok, là. Puis j'étais comme « OK, je répondrai pas à ça, là. Mais... » C'est ça. Fait qu'eux autres, ils débarquent, ils sont vraiment désagréables. Ben, c'est des Français. Ouais. Ben, ils sont désagréables par rapport à ça, en tout cas. Ouais, là, ouais. Ils se pensent bien glorieux, là, pis tout, là, pis tout ça est bien important, mais off, man. On parle de TikTok, là, je rappelle au monde, je sais pas si le monde a vu ça passer, mais je découpe maintenant les segments de collection en petits reels qu'on envoie sur TikTok, oui. Facebook, YouTube, Instagram. Plus de contenu. Plus de contenu. Puis tes partages aussi sur Facebook et Instagram. Ouais. T'es fait sur TikTok, partage sur Facebook. Non, je les envoie à bras dans tout. Là. OK. Je les mets dans TikTok, dans YouTube, dans Facebook. OK, OK. Facebook, mets-toi quelque chose, il l'envoie Facebook et Instagram en même temps. Là. Ouais. Mais c'est trois posts différents que je fais. Là. Exact. Puis voilà. Fait que, et je repartage sur Young Media aussi sur Facebook. Là. Exact. Donc vous aurez ça. C'est du beau contenu de knowledge de l'histoire des jeux vidéo, les prix, qu'est-ce que c'est. Fait que c'est très bien, je trouve. Ben absolument. C'est un parfait segment à montrer aux gens. J'ai regardé ça, il me semble que genre le frame vertical, parce qu'on nous voit nous puis le gameplay, ça fait très parfait, ça. Je le plug. Oh, oui, c'est bon, on prend ça. On trouve quelque chose. C'est très, très cool. Cédric Fischer, deuxième question. Je triche un peu, mais plus rapide. Depuis juin 2025, les entreprises québécoises ont l'obligation d'avoir une description en français sur les produits qu'ils vendent. On a 2 ans pour s'y conformer. Pour travailler dans le milieu, on sait pertinemment que toutes les marques ne feront pas l'effort d'ajouter le français sur leurs produits avant 2027. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe chez RetroMTL avec le volume de vente que vous avez si vous devez tout acheter vous-même, traduire, imprimer, etc.? Il y a, on a vu ça passer, en effet. Mais nous, toute la marchandise neuve qu'on achète chez les fournisseurs, c'est déjà, il y a déjà pas mal tout du français dessus. Ou ce qu'ils font les fournisseurs, c'est qu'eux-mêmes, comme print et colle des affaires en français. Parce que s'ils veulent faire des ventes, ben ils n'ont pas le choix. Ils font en amont. Là, fait que ça aide beaucoup. Pour tout le reste, tout est pas mal bilingue ici. Là. Puis même tout ce qui est des imports japonais puis tout ça, où est-ce que c'est ni français ni anglais, ben là, on essaie de ralentir puis on va peut-être juste finir par ne plus en vendre du tout. Alors, c'est ça. Là. On se conforme à toutes les lois. Là. C'est pas trop pire. Mais parce que surtout, notre core business, c'est l'usager. Puis là, l'usager, c'est une cassette NES. Désolé, mais c'est une cassette NES. Là. Puis s'ils veulent venir me faire chier pour ça, ben... On va jaser longtemps, tu sais. Parce que là, ça... Bonne chance, ça m'a... Chris, je vais me battre longtemps pour pas... Je commencerai pas à imprimer sur des... Je pense que c'est plus pour ce qui est nouveau produit, peut-être, là. Ça fait comme pas de sens, ça, là. Ah, exact. Puis tu sais, moi, autant, je suis... bien sûr, je suis très nationaliste, puis protection de la langue et de la culture et tout ça, mais... Ça, je trouve que c'est commencé à aller faire chier le monde en esti, là, quand même. Là. Il y a une limite qui est un petit peu trop des fois. Exact, puis ça, c'est trop. Le nom des business américaines qui sont débattées ici, le nom en tant que tel, j'ai pas besoin qu'ils soient en français, là. Non, mais j'ai pas de... Tu sais, ça dépend, là. Ça ne demande pas... Canadian Tire, ça va pas devenir... Non, mais ça, faut canadien. Ça serait cap, c'est, ça. Mais c'est, à côté, ils vont mettre magasin. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils écrivent, là. T'sais. Magasin de vente. Mais tu sais... Mais ça aussi, je suis d'accord, c'est un peu intense. Oh ouais. C'est pas ça qui va faire que le français va disparaître. Là, non. Puis les produits dans les... C'est parce qu'on veut des produits de partout aussi. Là. Oh ouais, c'est ça. C'est là. Quoi, là? On veut... Puis même si c'est écrit juste en allemand dessus, so be it, man, ça sera ça. On veut essayer ça, des produits allemands. Ça commence à être compliqué. Les produits, c'est le fun d'avoir des produits de partout dans le monde. Ben ouais, exact. Que ce soit des fruits, des jeux vidéo ou ben, des chars. Là, fait que, en tout cas... Marc-André Nadeau, est-ce que la grève de STM vous affecte? Beaucoup, on en a parlé tantôt. Benoît Landry, en référence au poste récent de rachat de collections, je me demandais, quand vous conduisez avec le char plein de collections, semi-lousse, bac ouvert, etc., est-ce que vous devez conduire plus prudemment, éviter les autoroutes? Comme avec un nouveau-né dans le char, là, rouler à 40 sur la route. Avez-vous des assurances particulières? Ça serait bien maudit de pogner un accident de char avec 20 000 de marchandises dans le coffre. Non, on n'a rien, mon gars. On met ça dans nos coffres, puis on crisse notre... C'est très de même qu'on fait. Puis on essaie que ça soit taité un peu, là, tu sais, pour pas que ça revole partout, wow, en effet. puis on chauffe un peu plus lentement. Quand on loue des trucks, ben les bacs sont à côté, placés, attachés. On fait attention, mais il n'y a pas d'assurance spéciale ou whatever. Je pense pas qu'il existe d'assurance pour transport de jeux vidéo. Là. Ben, le pire, c'est que sûrement, peut-être même que nos assurances nous couvriraient. Ah, ici, ouais. Ça sera vérifié. Parce que, mettons, si on déménage, on est assuré, comme nos biens à l'extérieur de la bâtisse sont assurés jusqu'à un certain point. Fait que là, si on va acheter une collection, les biens deviennent nôtres. Alors, peut-être qu'ils sont assurés. On vient donner la job à Martine. Là. C'est... Hey, je crois qu'elle relise le contrat d'assurance. Oui, exact, pour une 15e fois. Mais on va pas prendre, on va pas chercher à prendre des assurances pour ça. C'est... Mais si jamais l'incident arrive, on va vérifier et on vous tiendra au courant. J'espère que ça arrive pas. Charles Trudeau, il reste trois questions. Quel full set t'as eu le plus de misère à finir et pourquoi? Je dirais Super NES, parce que j'ai trois full sets, NES, Super NES, Game Boy. Le NES, ça se fait bien, parce que tout le monde le fait. Ainsi, tout le monde se parle, tout le monde essaye de s'aider. À l'époque, les chummés, on était genre 5-6 à le faire en même temps. Fait qu'on s'aidait beaucoup, puis les jeux sont communs. Là. Tous les jeux des full sets, si je retrouve MTL, le Super le NES, excusez, on a acheté quelques-uns déjà. Okay. Mais full set Game Boy, moi j'en ai acheté deux. Un quasiment personnellement, il était presque complet, puis un autre ici, chez Retro MTL aussi. Ça, j'en ai juste vu deux passer. Puis des fois, ça, du Super NES, j'en ai jamais vu passer. C'est rare, hein? Je suis pas au courant de quelqu'un autre que moi en or. Ah ouais, OK. À part un gars de Québec qui l'a complet en boîte. Ça, c'est fou. Mais ouais. Ça, c'est insane. Là. Mais à part lui, sérieux, je connais personne. Y a-tu du monde? Connaissez-vous du monde dans le chat qui ont des full sets de Super NES? Avec Fred, il l'a pas. Fred, c'est Genesis qui a lui? Oui. Genesis, TurboGrafx 16, NES, Game Gear. Game Gear. Ouais. Et puis, fait que non, il n'a pas fait le Super NES. Galgaton nous dit « J'ai pas assez d'attachement pour garder mes systèmes de collection. C'est comme un bibelot. À un moment donné, tu te désintéresses et tu vends tes gogos. C'est tout. » Ah ben, pas moi, vois-tu. J'aime toutes ces choses-là et puis il me dérange pas. Ben, les jeux, je les vois moins comme des bibelots parce que tu peux les utiliser pour jouer avec. Exactement. Mais j'ai pas tant de gréement de même chez nous non plus qui reste. Là. Mais tu sais, le pire, c'est que moi, j'en débarrasse du gréement aussi quand même. T'sais, puis j'en ai encore beaucoup, mais j'en ai beaucoup moins qu'avant. Mais mettons, pour moi, là, un full set, c'est pas 700 objets qui traînent. Pour moi, c'est un objet. C'est ça. Voici si je vends tout un jour, je vais juste garder les full sets. J'ai trois objets chez nous, trois full sets, ça fit dans un mur. Ah, c'est merci, bonjour. Puis ça, je vais garder ça, je pense, jusqu'à ma mort. Puis je vais peut-être un moment donné, tu sais, même on dirait que ces temps-ci, j'ai envie de vendre tout mon DS. Je joue jamais à ça. J'ai tellement de backlog de Switch. Moi, je joue à Switch, puis je joue à du rétro. Ah, vraiment, tous tes jeux de casino, puis de poker, puis du DS. Ah, c'est ça. Mais c'est ça. Puis le Game Boy est plus tough quand même. Il y a une couple de jeux qui étaient plus durs à trouver. Mais le Super NES, il y a des jeux. Un jeu de soccer, Super International Soccer. Gold 2. Non, mais ce jeu de soccer-là, je l'ai activé sur eBay. Ouais. Puis à un moment donné, je suis tombé dessus. Un peu avant Noël, je suis comme « Oh shit! » Pull the trigger immédiatement. Ça faisait 2 ans que j'attendais. Wow, puis là, il est apparu. Fait qu'il y en a des toughs là, quand même. Donc, quand même. C'est le plus dur. Et c'est le plus cher, puis c'est le plus volumineux. Et le moins fun. Il y a des bons jeux aussi. Mais je pense que c'est le plus cher là, à faire aussi. Rémi Chabot, avant-dernière question. Est-ce que vous croyez que dans le futur, la population va manquer de jobs, vu qu'il y en a de plus en plus qui sont remplacés par l'IA? Ça va se transformer, puis je sais pas où ça s'en va, mais tu peux pas avoir... Le monde peut pas fonctionner s'il y a pas de jobs. Parce que t'auras pas de pouvoir d'achat. Fait comme tout va crasher si ça va en main. Exact. Les jobs les plus faciles vont être remplacés, mais ça va se transformer. Je suis pas sûr que tout va donner IA non plus. Là. Ah non, non. Si tu veux faire de l'argent, aller comme électricien, plombier, construction. Mm-hmm. Il va y avoir beaucoup de data centers à construire. Ouais, ça, les data centers, c'est le futur. Mais tu sais, Non, mais même ça, il y a des affaires dans ces domaines-là qui vont être plus IA-isées, à mon avis, puis robotisées un peu, là, tu sais, à un moment donné, mais. Mais tu peux pas tout, tu sais, en ce moment, un robot chez vous qui fait le ménage, c'est 20 000 US à voir ça, là. Puis ils foncent dans les miroirs, puis ils cassent tout, genre. Ils garochent tes affaires à terre, puis. Moi, je considère avoir le petit robot balayeuse. Là. Ça doit être à jour. Ça, c'est là. Le fun. Ça fait longtemps que ça existe, ça. Là. Il ne doit plus rien casser, lui-là. Là. Ouais, moi, il conserve ça fait très longtemps. Mais ouais, c'est le fun. Ça fait-tu une bonne job? Oui. Okay. Une petite affaire rond qui se promène. Une petite pastille qui se promène. Là. À cette heure, tu as des applications. Tu peux scanner, genre, que ça a de l'air chez vous. Puis là, il va se prendre les places. Puis il va s'en aller. On devrait se pogner ça. Je passe tellement la balayeuse si je suis tanné. Mais non, moi je suis comme toi. Là. Je pense que la société va s'ajuster. Tu sais, à un moment donné, il y avait des bottins téléphoniques, puis là, il n'y en a plus. Il y avait bien du monde qui travaillait dans les bottins téléphoniques. Hey, les imprimeries, man. Il y a bien des imprimeries qui ont fermé. Il y a bien des imprimeries que leur job, c'est d'imprimer des bibles, des bottins téléphoniques, des affaires. Quoi, les bibles, ça roule encore. Ouais, mais ces affaires-là... Hein. Tu sais, moi, à une certaine époque, quand j'étais à mon compte, en tant que graphiste, je faisais du print. Je faisais des cartes d'affaires, je faisais des documents. Mettons, mon client avait un gros congrès, je faisais des pochettes, je faisais des dépliants, je faisais 1000 affaires. Puis là, à cette heure, il n'y a plus rien là-dessus. Non, c'est toute une application. Ouais, c'est ça. That's c'est... it. Fait qu'il y en a de la job qui se perd en maudit, là, de la job de graphiste. Elle se transforme en d'autres choses. Elle se transforme en autre chose. C'est des jobs numériques. Donc, mais t'as besoin je veux pas être méchant, mais t'as besoin de jobs pour le monde qui sont moins scolarisés aussi. Il y a du monde qui faut qu'il fasse de la job manuelle, là, puis c'est... C'est pas pour bâcher ce monde-là, ça n'en prend, là. Oui. Il y en a qui veulent pas aller... Jusqu'à ce qu'il y ait des robots qui le fassent. Oui, mais ce monde-là, il faut qu'il fasse de quoi pareil. Tu peux pas avoir, genre, soudainement, on a 4 millions de personnes au Québec qui sont sur le BS. Je suis comme, ben là, ça non, marche pas, non, là. Ça marchera pas, en effet, là. Fait qu'il faut que t'aies un entre-deux, là. Faut qu'ils entretiennent les robots. Oui, entretien de robots. Qui surveille les robots. Ça va être du ménage de robots. Fait que, surveillant de robots. Hey, réparateur de robots, man, c'est vraiment un métier d'avenir, ça, quand même. Ouais. Mais je suis d'accord, là, tu sais, le monde, c'est ça. Puis ça se fera pas du jour au lendemain non plus, tout ce genre faut de changement-là. Non, c'est ça. Faut le voir venir, faut le planifier dans ton choix de carrière, et puis faut que tu checkes ça, man. Et puis aussi, faut que tu t'adaptes, je pense. Mettons, t'es un artiste, of course, t'es automatiquement contre l'intelligence artificielle, on dirait. Mais d'un autre côté, tu devrais quand même te mettre les pattes dedans, rien que pour savoir comment ça marche. Il y a des outils qui vont t'aider aussi. Puis comprendre qu'est-ce qui va se passer, tu sais, quand il y a du monde qui vont commencer à faire de la musique avec l'intelligence artificielle, puis ça va se vendre, puis ça va exister, puis ça va faire de l'argent. Qui va être un mix de vraies personnes qui vont de quoi plus des assets. Ça va arriver, ça, là. Ça arrive déjà. Fait que, tu sais, il y a des affaires qui vont se passer. Fait que, faut pas fermer les yeux. Faut se tenir au courant. C'est important. Ceux qui ferment les yeux vont être dépassés en 5 ans, malheureusement. Puis même si tu l'utilises pas, faut être au courant de ce qui s'en vient là, avec tout ça. Là. C'est plate, mais on est dedans. Là. Absolument. Absolument. Dernière question. Dominique Ostigui. Question pour JF. Pourquoi as-tu arrêté de faire de la lutte et crois-tu en refaire un jour? Je me faisais vieux. Ben, j'avais 25. Je perdais l'intérêt aussi à un moment donné. C'était quand même de la job. Là. J'étais à l'école. Je travaillais la fin de semaine, 2 jours, genre, mettons, 7h le matin à 3h30 à l'hôpital. Je m'en allais à Valleyfield le soir, je revenais, je me couchais à 3h du matin, je me relevais à 6. Là, j'étais comme, là, je suis plus capable, là, je suis brûlé. Puis à un moment donné, tu sais, on luttait avec Kevin Owens, Sami Zayn, puis ces gars-là sont partis parce qu'ils ont monté. Ouais. Puis là, on s'est comme, il y a tout le monde qui a arrêté de lutter, là, la gang s'est un peu dispersée, puis moi, j'étais beaucoup là pour la gang d'amis qui étaient là. Ouais. Puis j'ai fait comme, bah, sais-tu quoi, j'ai peut-être fait le tour, là. Parce que t'arrives à un stade, que, OK, j'étais champion 8 mois, j'ai accompli des affaires, j'étais dans des grosses fêtes, j'étais arbitre à CZW à Philadelphie, un moment donné. Genre, c'était fou, ça, là. J'ai repris un match de cage aux États-Unis à CZW. Puis j'ai fait comme, sais-tu quoi, ça me tente plus. Genre, ça a juste arrêté, man. Puis c'était moi, puis Dave, on était ensemble, on a fait un match en équipe, on n'était pas en équipe du tout, on était dans une rivalité tout le temps. On a fait un dernier match, on a fait, on arrête dessus. Ah ouais? Puis on est juste pour retourner. Ça a arrêté de même. Vous étiez d'accord les deux? Là. Ben lui, il a pas été d'accord avec moi. Il pouvait continuer s'il voulait. Mais on a juste arrêté parce que ça ne tentait plus. Là, puis, okay. C'était ça. Là. Le corps, ben pas tant. J'avais pas tant de blessures. J'aurais pu continuer. Mais j'étais à un stade où, mettons, je l'ai continué pour que ça fasse du sens dans ma tête. Il aurait fallu que je devienne meilleur. Il aurait fallu que je m'améliore, que je travaille, que ça devienne quasiment un plan de carrière des lutteurs. Puis je voulais pas être un gars d'indie. Je voulais pas non plus me rendre au top, ça me tentait pas. C'était pas ça mon plan du tout, là. C'était pour le fun. Mon fun a été fait, a été passé. Fait. Mon nom de personnage, Jay Carismo. Tapez-le sur YouTube, vous allez trouver mon best-of. Fait par moi. C'est mon ami Alex qui filmait les shows. C'est moi qui faisais le montage avec Dave. On donnait des DVD des shows. Alors, on faisait des shows de sol d'église à Valleyfield en 2000. Puis on vendait des DVD montés 3 ans. Des shows indie, le show d'après. Ah ouais, hein? C'est fou, là, pareil, là. Mais ça... on voulait, là. Aviez-vous de la merch, genre, de on n'a pas, peut-être la merch du logo de la fête, mettons, okay, là, okay, mais okay, on n'a okay. pas de merch. Récent, 2000, la merch Jay Carismo. Ça aurait pu, là. Mon logo, c'était un genre de C commercial, mais avec le C à l'envers, là. Ah ouais, sur ouais. mon saut, là. Ah ouais, ouais. Mais c'est ça, j'ai arrêté parce que ça a arrêté de sa belle mort, là. J'étais passé à autre chose, là. Ouais. Parce que dans le temps que je luttais, j'ai lancé le cégep, j'étais en sciences peu, j'étais allé en cinéma, j'ai fait mon sans cinéma, pas de job. Le fait que je retourne au cégep pour informatique, Là, ça faisait beaucoup, là. Je suis OK, là, faut... c'est beau, j'ai eu mon trip de jeunesse. Faut que je commence ma vie de carrière parce que là, ça... Mais j'aurais pu peut-être le faire sur le site. Puis est-ce que je retournerais? Peut-être. Ouais. Des fois, j'y pense. Des fois, je me lève et j'ai comme... Ah, mal au dos. C'est ça. Mais j'aimerais ça... Si... J'ai regretté l'autre fois, il y a eu un genre de show pour les 20 ans de la fête, puis je suis pas allé, puis j'aurais dû y aller, là. Ah ouais, hein. Mais je pense que ça fitait pas dans le temps, là, mais ouais. Je sais que j'ai encore des contacts. Je pourrais aller m'entraîner si je voulais retourner dans un ring. Bon, ça me manque beaucoup, par exemple. Ah ouais, l'entraînement. Moi, s'il y avait un ring disponible, genre comme tu peux louer un gymnase, puis aller, genre, je bump à terre, genre, je serais tellement content, là. Ça me manque beaucoup, là. Ouais. Mais je ferais bang, puis je ferais, oh, c'est mon dos. C'est sûr, là. Peux-tu appeler ton nom de lutteur? Je vais vous l'écrire. Ah ouais, écris là. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Baby Cacapoil, il a déjà trouvé. Ouais, ben il l'a trouvé, ça. OK, J. Carismo. Est-ce que Hulk Hogan a vraiment été le meilleur lutteur? Ben non. Ah ben non, il était du zéro le meilleur. C'est le gars qui a le plus... C'est le gars qui a sauvé la lutte, mais c'est pas le meilleur lutteur. Non, c'est ça, c'est ça. Puis genre, j'ai vu des tapes de Hogan au Japon, puis Chris, il luttait bien au Japon, là. Ah ouais, hein? Il luttait pas comme aux States, là. Non, c'est ça. C'est ça, là. Mais oui, checkez ça, là. Regarde, Pipi Cacapoil vient de le dropper, là, fait que... Vous le trouverez sur YouTube. All right, on va en conclusion. Conclusion. Il n'est pas manqué ce coup-là. C'est vrai, hein? Bon, il est 10h04. On est bon dans le temps. On a jasé, là. On a jasé. Parce plus. Qu'on jase pas dans le jour non plus, on travaille. Non, c'est ça, vraiment. On mange des pommes, on se promène en gogoon, on filme les affaires. Exact. Oh, on n'a rien filmé, là, aujourd'hui. Non, j'avais non. Rien de prêt, mais on a tellement de travail. On était tous très occupés. Martine, son bureau débordait. On a droppé de la job. Moi, je t'étais occupé aussi. Moi, je fais des affaires, je prépare le Black Friday. Exact, c'est ça. C'est la fin de mois aussi. Faut qu'on fasse les comptes, les taxes, les affaires. Ce que j'essaie de faire, justement, parce que le Black Friday s'en vient, je vais vous donner vos outils pour le Black Friday. Ça serait malade. Là, ça va être fait, là. Ah, tu penses? Bah ouais, j'ai des petites corrections à faire, puis j'ai fini, là. C'était pas l'affaire de AI, ça, c'est un autre truc, là, mais... L'AI, ça, c'est... Ce que Martine avait besoin, c'est presque fini, là. Les rapports, ça, ou la mise à jour du site web? Ah non, la mise à jour, on n'a pas parlé de ça. OK, c'est pas de ça qu'on parle. Non, on parle des rapports, là. OK. Ça n'a pas de rapport. OK, on va être obligé de... Non, on va être obligé de faire ça à minuit, comme d'habitude. Ah, on s'arrangera, ça. Ouais, on verra. Mais whatever, on est prêt pour ça. Oh, ouais. Fait que, donc... C'est le dernier jour de l'année, non? La semaine prochaine, c'est le WEG. Oui. On s'en va au WEG jeudi prochain. Et puis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, il n'y aura pas de spectacle. Il n'y en avait pas de toute façon. Non, c'est pas une alors, de spectacle. L'autre spectacle d'après, c'est ça va jeudi, être notre show retour du WEG. Où est-ce qu'on va, comme d'habitude... On va décéder en onde, là. Puis... on va dire aujourd'hui, tout de suite, hey, on va filmer des affaires, puis on va les pas montrer le fera au pas. Show, puis on le fera pas partout. On essaiera d'en filmer une couple d'affaires. Là, mais qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? As-tu mis des trailers? On avait mis nos jeux de WEG. On avait mis nos jeux de WEG, j'avais mis les gameplays de ces jeux-là. Ouais. On a fait un top 5 de chaque... Ah, ça qu'on avait fait top 5 chaque de nos jeux de WEG. Ouais. Ça avait fait 10 jeux, on avait des visuels. C'est okay. Tout le genre, là. Parfait. On risque d'avoir des projets, là, aussi, là, qu'on va faire. Fait que ça sera un show qui va parler des jeux du qu'on WEG. Va avoir fait au WEG, et puis on va parler de WEG, et puis on va manger et boire. On va sustenter avec tout le matériel que Simon, l'évêque, nous a donné. Ouais, ben ça, si on le boit au WEG, on prendra un petit vidéo quelque chose, là, au moins, là. Voilà. J'avoue, hein, faudrait. Faudrait, là. Mais cette grosse ovale. On peut se forcer à prendre une couple de vidéos du WEG. On va la boire au goulot, même si la passer, c'est comme on est les deux itinérants. Avec un feu sauvage. C'est ça. Alors, merci aux Patreons qui fournissent de l'oseille au projet. Et puis, aujourd'hui, c'était le paiement, d'ailleurs. Alors, le paiement se maintient, Jean-François. Ah bon? Pas mal 10$ de variation, c'est plus bon, ou moins, mois après mois. Alors, merci beaucoup tout le monde de contribuer. C'est très apprécié. Et puis, merci pour les cadeaux à tous ceux ben qui oui. se présentent. C'est vraiment très... Puis je trouve qu'il y en a régulièrement quand même, c'est quand même chez fou, RetroMTL, hein? Des auditeurs qui nous laissent des cadeaux. Alors, c'est vraiment gentil. Merci d'acheter chez RetroMTL aussi. En effet, ça aide à envoyer nos enfants à l'école. Les oui. enfants de JF aussi, à payer. Oui, mon payé enfant, puis tous les métis que je connais pas aussi que j'ai là, sur le side. Là. Exact. Que Jay Carismo a fabriqué. Les métis à Carey Price. Là. Ça, c'est dans la soirée du podcast. On va faire le temps là-dessus. Fait que, puis suivez page Facebook et Instagram de Papa ouais. Cassette, TikTok aussi, TikTok, bien sûr, ouais. Et Everything Young Media et Retro MTL. Voilà. C'est tout. C'est tout. Bon, ben, bonne nuit, tout le monde. Bye, tout le monde. Ciao.